Nous sommes le 6 décembre 2020 et donc je suis en compagnie de Céline qui va nous raconter un petit peu sa pratique du roller et notamment donc Céline elle est biclassée, elle fait à la fois du roller artistique en ligne et en même temps des randonnées. Donc elle va nous raconter tout ça, notamment enfin, surtout le roller artistique en ligne. Alors Céline, pour commencer, je vais te demander de te présenter. Bonjour, je m'appelle Céline, j'ai 26 ans, je suis une passionnée de roller. Et donc, comme tu l'as dit, je pratique le roller artistique en ligne et la randonnée avec laquelle je fais un peu de compétition de temps en temps en loisir, comme des marathons ou autre. Et j'ai un seul sport en fait, c'est le roller. Ah d'accord, donc tu ne fais qu'un seul sport, tu fais du roller. Mais je t'ai déjà vu sur un court de badminton et je confirme que tu es meilleur au roller. Est-ce que tu peux me raconter ton parcours un petit peu justement de roller là depuis ta naissance? J'ai commencé par faire du patin à glace quand j'étais plus petite, genre vers 6-8 ans. En fait, j'étais allée dans une patinoire pour une séance publique, et là, il y avait une fille et sa mère qui étaient en train de patiner. Elles ont toutes les deux fait une figure qui s'appelle la fenêtre, à l'enfant en même temps. Et en fait, j'ai trouvé ça très joli, et ça m'a donné envie de faire du patin à glace. D'accord. Bon, alors la fenêtre, pour ceux qui connaissent pas, en gros c'est on se met sur un pied et on prend l'autre dans sa main, on va chercher l'autre derrière soi dans sa main. Donc c'est un peu comme une arabesque, c'est ça? Grosso modo, c'est Oui, une alors l'arabesque, posture. on ne prend pas le pied dans la mer, mais Ouais. le pied en l'air, et voilà, Voilà, en c'est gros, comme ça. et donc ça t'a donné envie de faire du patinage. Et Ouais. donc t'as fait du patinage à glace pendant combien de temps? Pendant un peu moins de 2 ans, je crois. Et en même temps, je faisais aussi du cheval. Et puis finalement, j'ai arrêté le patin à glace. J'ai continué à faire du cheval pendant une bonne dizaine d'années. Et puis à côté, au début, quand j'étais petite, j'avais des rollers. Je patinais un peu avec. Je faisais des tours de la maison de chez mes parents, par exemple. Voilà, je patinais un peu, mais pas beaucoup. Et ensuite, c'est en 2013, il y a mon père qui a acheté un vélo pour ma sœur. Et il me fait « Tu voudrais pas un vélo, toi aussi ?» Et puis moi, je lui fais « Non, je préférerais avoir des rollers. » Parce que j'avais déjà fait un peu de patinage quand j'étais petite. Et ça m'intéressait plus d'avoir des rollers qu'un vélo. Et du coup, on a acheté des rollers. Et là, tu savais déjà patiner. Et bien, la dernière fois que j'avais patiné, ça remontait à il y a longtemps. Donc, est-ce que j'avais quelques restes? Voilà quoi. Et donc, justement, j'ai mis les rollers. Et donc, j'ai refait quelques tours de maison comme quand j'étais petite. Et en fait, j'étais un peu débutante quand même. Enfin, j'avais du mal à me débrouiller. Mais j'arrivais quand même à patiner. Et puis même, du coup, dès la première fois où je les ai mis, on est sorti dans la rue avec mes parents, et on a été faire du roller. Et enfin, eux, ils étaient à vélo et moi j'étais à roller, et on a été se promener. Et en fait, je patinais, mais par contre, je maîtrisais pas tout, quoi. Et niveau freinage, c'était un peu dangereux. Mais à un moment, j'ai voulu sortir toute seule. Et je savais pas bien freiner, quoi. Il y avait une légère descente au moment où il fallait freiner pour traverser la route. Et j'ai eu un peu peur. Et alors, ça s'est fini comment? Et ça s'est fini que je me suis dit, il faut que je prenne des cours de roller. Et donc j'étais en train d'y penser un peu. Je l'avais mis un peu l'idée de côté, mais la rentrée approchait et je me disais, il faudra que je trouve peut-être un club de roller pour m'inscrire. Et là, je rentrais chez moi. Et il y a une fille qui distribuait des flyers dans la rue pour des cours de roller. Et le gymnase était juste à côté de chez moi. Eh ben, c'est Et du génial. coup, je me suis inscrite. Et il s'est trouvé que c'était un club de roller artistique inline. Donc c'était pas un club pour apprendre à faire du roller dans la rue, Et etc. t'avais quel âge, rappelle-moi? J'avais 19 ans. Oui, d'accord. Et du coup, je me suis dit, ouais, pourquoi pas. En plus, j'avais déjà fait un peu de patinage artistique quand j'étais petite. Et moi, je me sentais déjà pousser des ailes. Je me disais, ah ouais, je vais être trop forte, etc. Parce que j'ai déjà fait du patinage quand j'étais petite. Et en fait, j'avais pratiquement aucun reste. Et à 19 ans, tu n'avais pas encore le recul nécessaire pour te dire je commence un sport, donc je vais être mauvaise par rapport à ceux qui en font depuis 2-3 ans. Tu pensais vraiment que tu étais la meilleure? Non, je ne pensais pas quand même que j'allais être super forte, mais je me disais quand même j'ai des bases au moins et je vais quand même être pas mal. Et en fait, du coup, je me souvenais des croisés, comment on croisait à peu près. Mmh. Bon, alors bien sûr, on a travaillé les croisés parce qu'au début, tu pousses pas trop quand tu fais les croisés. Enfin, tu te contentes juste de poser les pieds. Mais je me souvenais que les croisés, comment on faisait des croisés, etc. Mmh. Et je me souvenais aussi de la fenêtre, cette fameuse figure. Et puis, je me souvenais pas grand-chose d'autre. Ouais. Mais du coup, comme je me disais que j'avais déjà fait du patinage... Ça m'a motivée à progresser peut-être, et j'ai peut-être progressé plus vite que ce que j'aurais pu, parce qu'à 19 ans, tu commences à être adulte, donc tu progresses déjà moins vite que des petites qui commencent toutes jeunes, quoi. Et donc, j'ai appris les sauts simples, etc. Et donc, maintenant, je sais bien patiner, mais à un niveau intermédiaire, et voilà, donc je me débrouille quand même pas mal. Et ensuite... donc à la base, moi, j'avais acheté des rollers au début pour faire des randonnées. Finalement, j'avais un peu oublié ça. J'étais à fond dans l'artistique. Alors comment t'as eu donc t'avais des rollers de basique, je suppose, bas de gamme. Et quand t'es allé à l'artistique, c'est tes parents qui t'ont acheté des rollers artistiques? Alors oui, au début, j'avais des rollers classiques que j'avais achetés chez Decathlon, la gamme la plus basse, en fait, mais qui suffisait pour ce que j'en faisais au début. Oui, pour débutant, c'est voilà, très bien. Je suis allée au club d'artistique avec ces rollers-là. J'ai commencé avec ces rollers-là. Même, je me souviens, j'avais fait des pas de valse avec ces rollers-là. Donc, c'est des pas où on se met sur un pied et on se retourne sur le pied. Donc, il y a le retournement sur le pied qui est assez difficile à faire. Mais j'arrivais quand même à en faire à peu près, quoi. Et puis, rapidement, l'entraîneuse m'a orientée vers des patins spécifiques pour le roller artistique inline. Donc, c'est une bottine comme les bottines de patins à glace, sur laquelle on monte une platine pour l'artistique inline. Et donc, j'ai progressé là-dessus, et voilà. Et donc, voilà, ça c'était pour l'artistique. Ouais. Et ensuite, je voyais de temps en temps, j'avais en vue Roulé Rose qui faisait des randonnées dans la ville actuelle où j'étais à ce moment-là, donc c'était à Toulouse. Donc Roulé Rose, c'est une association? C'est une association, même qui donne des cours comme un club aussi, pour faire des randonnées dans la ville, quoi. Et donc, je me disais, j'ai bien envie de participer à leur randonnée. Donc c'est 2-3 ans après avoir commencé l'artistique que je me suis dit, je vais aller essayer leur randonnée. Donc j'ai essayé leur randonnée. J'ai commencé par la randonnée la plus facile, celle du dimanche, qui en plus c'était un horaire où je pouvais y aller, parce que sinon les randonnées du vendredi soir c'était en même temps que mon cours d'artistique, donc c'était pas possible. Et donc en fait, au début, quand j'ai commencé, je me souviens la première rando que j'ai faite, c'était juste 9 km, on avait mis 1h30 pour les faire, mais... j'avais l'impression d'avoir les jambes en coton, quoi. Je sortais de mon gymnase pour la première fois et ça faisait bizarre. Et ouais, 9 km, mais t'avais pas tes rollers artistiques là. Non, là j'avais mes patins fitness que j'avais achetés en premier au début. D'accord. Ouais. Et donc voilà, et donc ensuite j'ai fait un petit peu de randonnée avec Roulé Rose, mais pas beaucoup. Et puis après, c'est quand je suis arrivée sur Nantes. En arrivant sur Nantes, je me suis dit. Quand même, il y a le Mans qui est pas si loin que ça de Nantes. Ça serait l'occasion d'aller faire les 24 heures du Mans, qui est quand même une compétition assez mythique en roller, qui pour moi, faudrait l'essayer au moins une fois dans sa vie quand tu fais du roller. Mais alors, je t'arrête là. Quand est-ce que t'avais entendu parler des 24 heures du Mans roller? J'avais déjà cherché un peu, je crois que ça m'intéressait déjà un peu, enfin je sais pas, j'en ai, ouais, avec le roller, peut-être avec Roulé Rose justement que j'en avais entendu parler, parce que je sais que Roulé Rose vont aux 24 heures du Mans, d'ailleurs je crois que c'est eux qui ont le plus d'équipes aux 24 heures du Mans qui présentent. Et donc du coup, je suis arrivée à Nantes, et le premier jour à la rando que je suis arrivée, j'ai fait bonjour, Je viens d'arriver sur Nantes et j'aimerais bien faire les 24 heures du Mans cette année. Mmh. Alors, bah, j'arrivais, j'avais mon petit niveau en randonnée, voilà quoi. Surtout que les randos nantaises, ça avançait un peu plus que sur les randos de Toulouse du dimanche, quoi. Et puis il y a plus de relief, etc. Et en fait, la première rando, bah, j'étais quasiment souvent à la fin quand même. Mmh. Ils m'ont quand même dit, bah oui, ok, c'est cool, tu pourras venir avec nous faire les 24 heures du Mans. Et puis bah, j'ai pris mon adhésion à Nantroller et puis bah, je me suis mis à faire un peu plus de randonnées. Des fois, on faisait des randonnées en sauvage, enfin. Hors cadre Nantroller, et puis du coup, bah, j'ai progressé pas mal, quoi. Je me suis même acheté des nouveaux patins. Donc là, je me suis acheté carrément des rollers 4x100 pour la rando. Et je me suis mis à bien patiner. Et donc, du coup, j'ai pu faire les 24 heures du Mans cette année-là. Donc tu as fait les 24 heures du Mans quand tu étais à Nantes avec l'association donc, de Nantes qui organise les randonnées. Oui. Et en même temps, tu étais dans un club de roller à cette époque-là ou pas ? Du coup, quand j'étais sur Nantes, j'étais dans, à part l'association, dans aucun club de roller. Quoi. D'accord. Ok. Et alors, donc maintenant, donc en fait, tu as progressé juste en faisant des randonnées, quoi. Oui, en roulant, oui. Oui, en roulant, ça, toute ouais. seule dans ton coin. Enfin, est-ce que tu as regardé des vidéos pour progresser ou pas ? Non, après, j'avais quelques conseils de personnes dans les randonnées. Voilà, enfin, des gens qui donnaient des conseils. Et tu cherchais à progresser ou c'est venu juste naturellement ? C'est venu naturellement, je dirais. Je n'ai pas forcément cherché à progresser. Je cherchais surtout à suivre le groupe, des fois, pendant les randos. C'est vrai que des fois, on s'est fait des bonnes randos. Je me souviens, une fois, on avait fait 50 km un dimanche. C'était super, hein, mais ça faisait quand même une certaine distance. Surtout que je crois que le week-end suivant, bah, y avait une compétition de roller. Ah oui. Et alors, donc c'est quoi ton... Est-ce que t'as un niveau particulier à la fois en randonnée et en artistique ? Bah, du coup, j'ai jamais vraiment passé de test ou de diplôme pour... Bah, pour la randonnée, non, j'ai rien passé. Et pour l'artistique, je me souviens, la première année, l'entraîneuse nous avait fait passer des niveaux, mais je me demande si c'était la moitié officiel. Enfin, c'était pas vraiment quelque chose d'officiel. Elle nous faisait passer des niveaux pour nous jauger par rapport à ce qu'on savait faire, mais c'était pour se comparer. C'était des niveaux comparables à ceux de la glace, mais c'était pas vraiment... vraiment un truc officiel pour se noter, parce que c'était un peu en évolution, le inline. En fait, t'as pas vraiment de niveau à passer en artistique inline. Est-ce que tu sais faire les sauts simples, les doubles, etc. Mais t'as pas de niveau concrètement, comme on peut avoir des roues, des choses comme ça. Quoi. D'accord. Et ben justement, avec quoi tu roules en ce moment ? Et donc, en randonnée, j'ai toujours mes patins 4x100. Oui. Avec des chaussons hauts que j'aime bien serrer bien fort. Ouais. Parce qu'en artistique, j'aime aussi être bien serré. Et donc, du coup, en artistique, j'ai une platine Pixskate avec une bottine de patinage au-dessus. Donc, c'est des Risport. Ouais. Et là, je viens de commander une nouvelle paire avec les platines Linea de Rollline que je vais tester. C'est actuellement mes Pixskate sont en 4 roues et donc je vais tester une platine à 3 roues. D'accord. Et combien de temps tu passes sur des rollers par semaine, par mois, par jour, je sais pas. Là actuellement c'est le confinement donc je passe pas assez de temps dessus. Mais j'espère pouvoir retrouver bientôt une pratique normale, c'est-à-dire 2 séances de rando au moins par semaine et une séance d'artistique. Sachant que je fais environ 2 heures de roller par séance. D'accord, aussi bien rando que artistique. Oui, d'accord. Même artistique, des fois, c'est un peu plus. Bon, des fois, c'est un peu moins. Mais... Donc, généralement, c'est 6 heures de roller par semaine. Qu'il pleuve, qu'il vente, tu sors, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid. Bah, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, oui. Oui. Qu'il pleuve, qu'il vente, c'est vrai que des fois, bah, y a des trucs qui sont annulés parce qu'il pleut, quoi. Et donc, du coup, je peux pas forcément sortir. Mais du coup, comme je suis inscrite là actuellement dans un club de rando, quand on a le gymnase et qu'il pleut, bah, on peut aller dans le gymnase. Tu as des idoles en patinage, en roller? Ah oui. Alors, en artistique, bah, y a mes idoles sur la glace, c'est Gabriela Papadakis et Guillaume Cicéron, oui. Qui sont vraiment très inspirants. Et en fait, ce qui me manque, moi, surtout en patinage par rapport à mon niveau, c'est niveau technique, je suis plutôt bonne pour ma division. Par contre, le problème, c'est l'expressivité, l'expression, etc., l'interprétation. Et quand je les vois, je suis là, ah, ouais, j'aimerais patiner comme eux, quoi. Et donc, voilà. Et sinon, il y a aussi en roller inline, Chiara Sansori, qui fait des pirouettes Billman à tomber. Donc, la pirouette Billman, c'est une pirouette donc, où tu tournes sur toi-même et tu amènes ta jambe, enfin ton pied au-dessus de la tête. Tu as les jambes pratiquement en grand écart et je trouve cette figure très jolie. Et elle le fait très bien. Et je suis vraiment fan parce que d'une part, elle arrive à faire une pirouette Billman et d'autre part, elle le fait en inline. En inline, donc, enfin, elle le fait sur glace. Non, elle sur roller. Elle le fait aussi sur roller. Et je sais pas si c'est une patineuse qui vient de la glace, j'en sais rien en fait. Mais en tout cas, en roller, elle est plutôt douée pour les pirouettes. Et le reste aussi. Et ouais. Ensuite, il y a aussi Alexandru Ilici en roller inline, oui. Artistique, qui est un Espagnol qui est venu dans mon club de Toulouse s'entraîner et qui initialement vient de la glace et qui fait du roller aussi. Et il fait les sauts triples, etc. Et c'est un super patineur. Et quand je le vois, je suis là, oh là là, il patine super bien. Et sinon, niveau randonnée, bah, du coup, c'est plus orienté course, parce qu'en randonnée, il n'y a pas vraiment de star, on va dire. C'est surtout pour la course. Donc, il y a ceux qui font les courses d'endurance, genre les marathons, etc. Et bon, il faut aussi des courses de vitesse. Enfin, bon, les marathons, on se demande si c'est de l'endurance ou de la vitesse, tellement ça va vite pour eux. Et du coup, y a un nom qui me vient, c'est Juan Fernandez, que j'aime bien. Après, il y en a plein d'autres. Et sinon, j'avais envie de parler d'une patineuse qui me tient à cœur et qui est aussi inspirante pour moi. C'est Joséphine Alliot, du coup, qui a eu un accident et qui maintenant ne peut plus patiner. Elle est inspirante, mais bon, j'aimerais pas être à sa place. Ça doit être difficile d'avoir une passion comme ça et qu'elle s'arrête d'un coup. Il y a une association qui a été créée pour Joséphine Alliot, ça s'appelle Joséphine Avenir. Et donc, on peut faire des dons pour l'aider à être autonome. Comme type de roller De la vitesse. De la vitesse, ouais. D'accord. En préparant l'interview, donc j'ai vu que cette année tu ne t'étais pas réinscrite à ton club de patinage artistique, mais t'étais seulement inscrite dans un club de randonnée. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu comment ça se passe les entraînements, qui tu côtoies, combien de fois par semaine, enfin, la vie de ton club, s'il te plaît. Alors, moi, je suis un peu partout, parce que c'est pas la vie de mon club, c'est la vie de mes clubs, plutôt. Ah, de tes clubs. Ouais, parce que, je suis inscrite depuis 2 ans, je crois, au RCH, donc Roller Club Herblinois, c'est un club surtout de course et d'endurance. Donc, Herblinois, ça veut dire... De rando aussi, oui. Herblinois, ça veut dire que c'est Saint-Herblain, donc c'est une ville juste à côté de Nantes. Ouais, voilà. D'accord. Et donc, je suis inscrite au club de randonnée... au cours de randonnée initié. Oui. Et donc, on fait des randonnées dehors, à l'extérieur, quand il fait beau. On se balade avec l'entraîneur et voilà. Donc, c'est le lundi soir, c'est ça? C'est le lundi soir. Une fois par semaine. Une fois par semaine. Oui. Donc, sur un créneau de 2 heures. Et par contre, quand il fait moche ou qu'il fait un peu froid, donc il dit sous les 4 degrés, on va en gymnase, bah, des fois, il pousse un peu, il dit sous les 3 degrés. Donc, il y en a qui râlent. Oui. Et donc là, on va en gymnase quand il fait trop froid ou qu'il pleut, le temps n'est pas bon, quoi. Et donc là, en gymnase, on travaille un peu plus la technique et on fait des jeux aussi à la fin. Donc, c'est assez sympa. Et alors, donc, dans ce club, il y a... Donc, toi, tu fais ce créneau d'entraînement. Oui. Enfin, de... Je ne sais pas si on peut appeler ça un entraînement, parce que c'est surtout de la randonnée. Tu n'as aucun... Des fois, ils nous donnent des petits conseils, quand même. Ouais. Et il y a quoi d'autre comme entraînement, comme discipline dans ce club ? Dans ce club, il y a donc la randonnée aussi ouverte aux débutants. Ouais. Donc, c'est pour les adultes, à partir de 16 ans, donc. Il y a du baby roller, donc pour les tout-petits. Il y a l'école de roller pour ceux qui vont commencer à faire de la vitesse, etc., et voilà. Et puis comme c'est surtout un club orienté vitesse randonnée, il y a aussi des séances de vitesse, d'enduro. Il y a aussi le roller en famille, donc là c'est une séance un peu plus ludique où il y a toute la famille qui vient faire du roller, quoi, et ils font du jeu pendant la séance. Ah oui. Et c'est quand cette séance? C'est le week-end? Oui, c'est le week-end. Oui. Ouais, c'est le dimanche matin. J'y avais été avant de m'inscrire à l'année dans ce club, quand j'étais arrivée sur Nantes et que j'étais c'était en 2018, j'étais revenue sur Nantes et j'étais sur une moitié d'année, même une fin d'année, donc j'allais pas m'inscrire directement au roller initié, mais je me suis dit c'est l'occasion de rentrer dans le club, etc. Mais finalement les sessions sont assez séparées entre les sections et je connais pas du tout les patineurs de la course, par exemple. Ah, d'accord. Et donc, ça fait combien de temps que tu es dans ce club? Donc, ça fait 2 ans et demi, en fait. 2 ans et demi. Et pour le moment, est-ce que tu vois qu'il y a un renouvellement ou un rajeunissement ou un vieillissement des personnes qui font du roller dans ce club? Alors, comme je te disais, les autres sections, je ne sais pas du tout. Après, il y a toujours des enfants qui arrivent au baby roller et qui progressent, qui vont à l'école de roller, puis qui vont à la course, je pense. Oui. Mais après, niveau adulte, on est toujours les mêmes pour la rando initiée et pour la rando débutant. Quand ils sont débutants, ils sont peut-être un peu moins motivés. Donc, ça a l'air de tourner assez, puis ils sont peut-être un peu moins nombreux. Mmh. Et donc, voilà. Et la randonnée initiée, donc, vous êtes combien quand vous faites une randonnée le soir? Une dizaine environ. Ouais. Ouais. Et ça, c'est toujours les mêmes personnes ou ça tourne? Ça tourne un peu des fois selon les disponibilités, mais en général, c'est les mêmes personnes. D'accord. Est-ce que tu t'es investi un petit peu dans le club de toi ou pas? Non, pas trop, non. Mais c'est vrai que du coup, ils organisent des événements. Par exemple, il y avait des championnats indoor pour la course qui avaient lieu sur Nantes et qu'ils avaient organisé. Mais du coup, j'avais pas pu y participer, mais c'est vrai que je me suis pas trop investie, surtout que c'est de la course, donc ça m'intéresse moins, etc. Donc, je sais pas. Et voilà. Et sinon, du coup, comme tu me parlais de mes clubs, il y a aussi du coup, l'association d'entrôleurs qui fait les randonnées sur Nantes. Donc du coup, c'est le jeudi soir. Bon, en ce moment, c'est à l'arrêt à cause du confinement. Oui. Mais ça reprendra bientôt, je pense. Enfin, bientôt, c'est relatif. Et donc là, de temps en temps, ils organisent des sorties pour aller à des événements comme les 24 heures du Mans ou autre. D'accord. Ok. Est-ce que tu as déjà fait des compétitions en roller? J'ai pas fini de te parler de mes clubs de roller. Ah bah alors vas-y, continue. Tu m'as dit que j'avais été dans un club d'artistique. Oui. Faut que j'explique un peu aussi. Ah bah oui, explique, oui. Alors, déjà, quand j'étais sur Toulouse, j'étais dans un club d'artistique inline. Oui. Et quand je suis arrivée sur Nantes, il n'y avait pas de club d'artistique inline. À Nantes, il y a plein de clubs de patinage artistique, mais ils sont à roulettes. Mmh. Et donc au début, j'ai patiné toute seule en autonomie dans un skatepark où il y a une salle où on peut patiner. Qui fait comme un gymnase, quoi. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, je tourne un peu en rond quand je patine. Enfin, je fais toujours les mêmes choses. Puis je progresse plus. Du coup, c'est juste de l'entretien de la technique, on va dire. Mais j'ai plus trop de trucs pour me motiver, pour progresser, etc. Donc je vais essayer de m'inscrire dans un club de patins à roulettes s'ils veulent bien me prendre étant donné que je suis en inline. Et donc bah, j'ai été dans un club de patins à roulettes qui a bien voulu me prendre. Donc c'était le NAR, le NARH, donc Nantes Atlantique Ring Hockey, qui maintenant s'est dissocié de la partie hockey et s'appelle le... je crois que c'est l'Athletic Roller. Enfin bon, maintenant je ne suis plus inscrite, mais... Oui. Et donc bah, ils font de l'artistique. Et donc je m'étais inscrite du coup au cours loisirs, comme j'étais en inline. C'est vrai que je n'ai pas trop osé trop les embêter non plus, quoi. Surtout que je suis une adulte qui fait que des sauts simples, donc c'est un peu compliqué, quoi, de trouver un créneau qui puisse correspondre à mon niveau et à mon âge. Parce que souvent, les adultes qui font de l'artistique et qui font des programmes, etc., bah, ils font moins les doubles, quoi. et donc, voilà. Et donc, je me suis inscrite dans ce club, puis finalement, bah, le créneau, c'était en même temps que le RCH, le lundi soir, donc c'était pas du tout pratique. J'allais une fois sur deux à l'un, une fois sur deux à l'autre. Donc, du coup, j'ai l'impression d'être dans aucun des deux clubs. Et donc, finalement, du coup, j'ai arrêté l'artistique. Surtout que j'avais pas l'impression que ça m'apportait beaucoup le cours loisir. Donc, bah, j'ai arrêté d'aller dans ce club à la fin de l'année. J'ai pas renouvelé ma licence. Et maintenant, bah, je patine toujours toute seule. Bah, maintenant, bah, dehors, comme c'est le confinement et qu'on peut pas accéder à des gymnases ou des salles. Et bon, c'est un peu compliqué de s'entraîner, mais bon, on fait comme on peut. Et alors, tu me disais que t'as pas trouvé de club de roller artistique en ligne sur Nantes, alors que pourtant, au niveau club de patinage artistique, donc en patin, tu dis que c'est peut-être la ville où il y en a le plus en France. Oui. Est-ce que tu peux m'expliquer comment ça se fait que ça ne soit pas plus développé que ça, le patinage en ligne ? Le patinage en ligne, je pense que c'est surtout pour ceux qui viennent de la glace. C'est très, très bon en complément pour ceux qui viennent de la glace. En fait, généralement, quand on regarde les clubs de patinage inline, ça vient surtout des clubs de glace. Et s'il y a des clubs de patinage inline qui viennent du quad, en fait, c'est des clubs de quad qui ont 2-3 patineurs qui font du inline, mais ils font pas vraiment que du inline. Et en fait, le inline, je pense pas que ça intéresse trop les clubs de quad, quoi. Faut changer tous ses appuis, etc. Faut tout reprendre, quoi, en fait, si on fait du inline. Enfin bon, les sauts, t'as quand même la tenue, etc. Mais il faut quand même reprendre pas mal de trucs et ça doit être assez perturbant. Et puis, je pense pas que ce soit intéressant pour eux de passer au inline. Après avoir présenté quelques patineurs en inline, oui, ça peut être intéressant. D'accord. Un autre club à présenter, peut-être ? Non. Après, je pourrais présenter mon club de Toulouse, par exemple, d'où je viens au début. Mais, voilà, bah, si tu veux, oui. Ouais, c'est le club Arthrolize, du coup. C'est un club donc, initialement qui faisait de la glace. Et donc, il y avait un club qui faisait de la glace et il y a une partie de ce club de glace qui s'est détachée pour créer un club inline, donc Arthrolize. Et donc ils se sont mis au inline, donc ils venaient tous de la glace, ils ont dû apprendre à faire du roller. Alors comment ça, ils venaient tous de la glace et tout d'un coup ils se sont tous décidés à faire du roller en ligne ? Ça a été quoi L'élément déclencheur, c'est que donc, du coup ils se sont séparés du club de glace et avoir des créneaux de glace c'est encore plus difficile que de trouver un gymnase pour faire du roller. Et donc, du coup, bah, ils se sont dit, bah oui, y a la solution du roller dont ils avaient entendu parler. À l'époque, c'était encore moins connu que maintenant. Et donc, du coup, ils se sont mis à faire du roller. Ils ont acheté les platines, etc. pour faire du roller. D'accord. Est-ce que tu as déjà fait des compétitions en roller ? Est-ce que tu aurais des anecdotes à ce sujet ? Oui, alors niveau rando, donc du coup j'ai déjà fait les 24 heures du Mans, le Grol, le marathon de Paris, j'avais aussi fait les 6 heures de Paris, quelques petites compétitions comme ça, assez rares, on va dire, j'en fais pas non plus toute l'année, quoi. Donc oui, est-ce que tu aurais une anecdote sur une des compétitions? Alors, je me souviens aux 24 heures du Mans. Il y avait une fois, il y avait, on avait commencé à faire un tour avec deux autres équipes du coup de Nantes Roller. Et donc on était trois, donc on trois était trois équipes. Voilà. Trois équipes de 6 à 10 personnes, je suppose. Oui, donc on était un patineur pour chaque équipe. Et c'était la nuit, du coup, on essayait de rouler ensemble. Et donc c'était plutôt la fin de la nuit. Et donc j'ai patiné avec eux. Et donc il y en a un qui se met derrière moi. Et puis à l'époque, je sais pas comment c'est maintenant, mais à l'époque, en fait, je faisais plein de poussées pour pousser. Et donc du coup, j'avais pas forcément des poussées efficaces, mais je faisais tellement de poussées que celui qui était derrière moi au début, il n'arrivait pas à suivre en fait parce que je poussais trop et qu'il essayait de se mettre dans mon pas. Donc du coup, Pousser, c'est le fait de pousser sur une jambe et de prendre et l'autre. C'est pas de pousser avec la main. Ah oui, non, non. C'est autre chose, ça. Oui, et donc du coup, oui, on se mettait en train aussi. Ta fréquence de patinage, quoi. Voilà, ma fréquence de patinage était rapide, quoi. Et donc, on s'était mis tous les trois l'un derrière l'autre. Et puis, donc, on avait fait le tour et tout. Et puis, je crois que c'était vers en bas de la grosse descente de la chapelle, donc la plus grosse descente du circuit. En fait, ou non, c'était après la partie qui descend un peu plus plate. Donc un peu plus loin dans le circuit, y en a un qui a perdu une roue. Et en plus, c'était la roue de devant, quoi. Ah oui. Donc en plein patinage, il a perdu une roue. Donc on a ralenti pour l'attendre. Et en fait, il est arrivé. Et il a continué à patiner sans sa roue. Et on est arrivé jusqu'au passage du prochain relais. Donc on a passé le relais aux autres. Et en fait, on a regardé notre temps. Et on avait fait un super temps quand même. Et donc j'étais là, waouh, mais qu'est-ce que ça aurait été s'il n'avait pas perdu là-haut. Et donc là, j'étais contente. Et donc c'est l'importance de faire des trains des fois et de rouler ensemble. C'est que tu gagnes du temps et des fois, tu n'as pas forcément l'impression de trop forcer non plus. Et donc voilà, donc c'était pour le Mans. Après, du coup, le dernier marathon de Paris que j'ai fait, je l'ai fait sous la pluie. Oui. Et donc au départ il pleuvait pas et puis je voyais la météo et puis je disais oh non il va pas pleuvoir et donc il y en a un qui hésitait qui était là, ah est-ce que je mets mes roues de pluie, est-ce que je les mets pas, puis moi je regarde la météo, je lui fais non il va pas pleuvoir mais pas tes roues de pluie. Et du coup le bon conseil, voilà le bon conseil, du coup je sais pas si finalement il les a mis ou s'il les a pas mises. Mais quoi qu'il en soit, il a plu pendant le marathon. Donc moi, j'avais des roues toutes neuves parce que je m'étais dit, je vais mettre des bonnes roues pour patiner. Puis je pensais qu'il n'allait pas pleuvoir. Donc je glissais encore plus que si j'avais pas des roues toutes neuves. Et donc, il a plu. Et puis je me disais, il pleut, j'arrive pas à pousser. J'étais complètement frustrée de ne pas arriver à patiner. Et je me disais, le but là, c'est de finir le marathon dans les temps, quoi. Ah, dans les temps. Oui, dans les temps, parce qu'on avait 4 heures pour le finir. Je me disais, faut que je le finisse dans les temps. Ah, ça fait du 10 km/h. Normalement, mon objectif au départ, c'était d'essayer de le faire en moins de 2 heures, parce que celui d'avant, je l'avais fait en 2 heures et 3 minutes. Donc, je me disais, j'ai de quoi passer sous les 2 heures. Mais là, comme il pleuvait, je me suis dit, c'est raté. Et finalement, quand je suis arrivée, j'avais fait en 2h20 ou quelque chose comme ça. Et j'étais là, wow, bonne surprise, parce que je m'attendais vraiment à faire plus de 3 heures, mon marathon en plus de 3 heures. Quoi. Et donc, j'étais là, mince, il n'aurait pas plu, je serais sûrement passé sous les 2 heures. Quoi. Ouais, c'est là où on voit la différence entre quelqu'un qui fait ça, qui a des ambitions et qui fait de la compétition régulièrement. Toi, en fait, t'as aucune sensation quand tu patines. Enfin, tu es étonné du résultat que tu fais quand tu patines. C'est marrant. Finalement, je connais pas forcément mes performances très bien, quoi. Enfin, j'avais qu'une expérience de marathon avant, le marathon de Paris de l'année précédente. Donc, je savais pas trop à quoi m'attendre non plus, quoi. Ouais. Puis, je patine pas souvent sous la pluie. En fait, les seuls moments où on patine sous la pluie, c'est quand on est dans une compétition et que, en fait, finalement, il pleut, tu dois patiner quand même. Alors, tu m'avais raconté que quelqu'un avait perdu sa roue avant en roulant. Toi, tu as déjà eu des ennuis mécaniques? Pas en roulant, Mais une fois, ça m'est arrivé de vouloir tourner mes roues. Et en fait, avec la clé, je me suis loupée au niveau de l'axe. Et en fait, j'ai complètement bousillé mon axe parce qu'en plus, je me suis énervée dessus. Merde, j'arrive pas à l'ouvrir, j'ai commencé à paniquer, etc. Et donc, en fait, plutôt que de me calmer, me poser et essayer de bien l'ouvrir, j'ai complètement bousillé mon axe. Et donc, il était indésirable, quoi. Ah Et oui. du coup, il a fallu percer l'axe et extraire l'axe en me perçant, quoi. D'accord, c'est toi qui as fait ça? Non, je me suis fait aider par un ami. J'avais trop peur de carrément bousiller la platine. Donc, je voulais pas aller plus loin dans ces bêtises-là. Et cet ami, il s'y connaissait en roller? Oui, c'était un ami avec qui je faisais du roller. Et oui, pour revenir sur les anecdotes en compétition, je t'ai pas raconté une anecdote quand même en artistique qui était sympa. Donc c'était pour une compétition organisée par la UFSA, donc c'est la fédération pour le roller artistique inline. On était allé à Genève, donc en avion pour l'Open mondial de Genève qui était en 2015. Et donc, arrivé à l'aéroport, donc moi souvent j'arrive à l'aéroport avec de l'avance parce que j'ai trop peur de louper mon avion, donc j'avais 3 heures d'avance. Et arrivé à l'aéroport, en fait, je m'enregistre, etc. Et puis au bout d'un moment, on apprend que l'avion est retardé. Et en fait, l'avion avait 7 heures de retard. Donc on a passé, enfin moi j'ai passé 10 heures à l'aéroport. Et donc tout ce temps-là, il fallait bien l'occuper. Et notre entraîneuse, elle a négocié un peu avec l'aéroport. Et elle a demandé, est-ce que c'est possible qu'on patine dans l'aéroport? Et donc il y avait un hall qui était vide, qui n'était pas encore occupé par le trafic d'avions, quoi. Et donc du coup, on a pu patiner dans ce hall. Donc j'ai patiné dans un aéroport, j'ai même fait du roller artistique inline. Et on s'est entraîné Et puis à faire alors, notre programme qui était en groupe. Et donc c'était super. c'est vrai que ça doit être super. Puis en plus, dans un aéroport, enfin, généralement, le sol est bien plat. Je sais pas si vous aviez la place Ah de. ouais, c'était un hall qu'on avait rien que pour nous de temps en temps. Il y Oui. avait une hôtesse de l'air ou un pilote qui passait, mais franchement, c'était top, quoi. Ouais. Et quand les gens passaient, ils vous regardaient ou pas? Parce que ça Je doit pas être me courant souviens pour même eux. plus, peut-être qu'il regardait, j'avoue que je me souviens même pas. Et donc après, notre avion est arrivé en retard. Normalement, on était censé faire les entraînements à un certain horaire la veille de la compétition. Et finalement, on a dû les faire un peu plus tard dans la soirée, donc on les a fait tard dans la soirée. Mais heureusement qu'on s'est entraîné parce qu'en fait le sol c'était un sol de patinoire. Donc l'été c'est vidé de sa glace et l'hiver c'est une patinoire avec la glace. Et le sol était un peu granuleux, donc ça avait tendance à nous ralentir. Donc fallait qu'on pousse bien, quoi. Donc on a pu se faire au sol de la patinoire. Et ensuite, on a fait la compétition. Donc j'avais un programme en solo que j'ai fait. Donc voilà. Je suis arrivée troisième sur trois. Sur Parce le que podium, voilà, bien. je patinais pas très bien, quoi. Oui. Et ensuite, on a fait un programme en groupe. Donc c'était la catégorie Chorus Junior. Donc Chorus, c'est un groupe. Donc on était 7 ou 8. Et donc c'est un peu entre du ballet et de la synchro. Ça pourrait se rapprocher au show petit groupe en roller sur patin à roulettes. Oui. Catégorie junior, parce qu'en fait les catégories n'étaient pas encore trop au point. On a fait la moyenne des âges, on était des adultes, il y avait des toutes petites qui avaient 8 ans, etc. Donc c'était pas très. Enfin, maintenant ils ont créé la catégorie mixte où on peut patiner avec tous les âges, mais sinon, catégorie junior, maintenant faut avoir un certain âge. Et du coup, il y avait 3 équipes et on arrivait premier. Et donc, comme c'était l'Open mondial, je peux dire que je suis championne du monde. Ouais, C'est quand même une anecdote assez c'est importante. sympa. Bon, enfin, tu peux dire que tu es Alors que j'ai pas champion. fait Oui, grand-chose pour être championne du monde. tu es champion du monde, mais champion du monde, mais pas dans la première division en fait. Si, si, Si, c'était c'était il vraiment n'y là. avait Enfin, pas de c'était division mi, c'est là, pas oui, oui, c'était le. Ouais. D'accord, donc. c'était catégorie junior du coup à l'époque. Mais c'est vrai que du coup. Alors, est-ce que tu as gagné une médaille? Ah oui, j'ai même gagné des coupes. Des coupes? Et Ouais. qu'est-ce que tu as fait de ces coupes? Alors elles sont dans un carton de souvenirs. Ouais. et ouais. Elles attendent sagement dans ce carton. Que d'autres coupes les rejoignent. D'ailleurs, la coupe qu'on avait eue à cet Open, c'était une coupe en verre avec des bords un peu coupants. Et donc on s'était dit, ceux-là, on va pas les prendre en bagage en cabine. Oui. Et on les a pris dans les bagages en soute. Mm. Parce qu'on avait peur qu'ils passent pas. Écoute, on va passer maintenant à la présentation, enfin aux questions un peu plus spécifiques sur le roller en ligne artistique. Est-ce que tu peux me dire les différences qu'il y a entre le patinage artistique, donc en patin à roulettes, quad, ouais, et le roller en ligne artistique? Alors, déjà, le patin à roulettes quad dépend de la Fédération Française de Roller, oui, donc la FFRS. Oui. Et on peut faire du inline avec la FFRS, c'est assez récent, ils ont ajouté ça au règlement. Mais après, il y a l'autre fédération qui est la WIFSA, qui dépend de la Fédération des Sports de Glace, et qui, elle, est spécifiquement dédiée au roller inline artistique, et donc qui est ouvert à tout le monde. On peut faire des compétitions en ayant un très faible niveau, enfin, c'est ouvert vraiment à tous, quoi. Il y a 4 divisions, et la 4e division, on peut faire des sauts d'un demi-tour, comme le saut de valse, ou même des demi-flips, ou des demi-loots, ou même des sauts sur deux pieds, où on fait un demi-tour. En gros, quelqu'un qui commence le patinage, peut faire des compétitions dès la première année. Voilà, il commence en septembre, année. Et dès mars, il peut se faire une compétition d'artistique inline. Ouais, même si c'est pas bien, même s'il a encore des déséquilibres. Il y en a des fois, ils mettent plus de temps que ça à apprendre à faire des sauts demi-tour, mais on peut monter un programme facilement pour des gens qui arrivent déjà à se débrouiller un petit peu dès la première année, quoi. Et c'est vrai que du coup j'aime beaucoup ça chez la WIFSA, c'est que c'est vraiment ouvert à tout le monde, l'accès à la compétition est vraiment facile. Et c'est vrai que je connais pas trop du coup le système FFRS, mais c'est vrai que pour le inline, je comprends toujours pas comment ça marche, et du coup je vais pas forcément aller faire des compétitions, quoi. Et après, du coup, oui, donc j'ai l'impression que les compétitions en patin à roulettes sont un peu moins ouvertes. Par exemple, si je suis une adulte, que je fais que des sauts simples, ce qui est mon cas, quelles compétitions je peux faire? Et je sais pas si je peux en faire, en fait. Il faut peut-être que j'arrive à passer l'accel. Alors que là, je suis en 3e division à la WIFSA, et je peux facilement faire une compétition. Et quand je passerai l'accel, je passerai en 2e division, où je pourrais même faire des sauts doubles. Sait-on jamais un jour. Vas-y. Et du coup, à la WIFSA, donc on peut faire de l'artistique. Donc il y a 4 divisions en artistique, mais on peut aussi faire de la danse. Donc je crois qu'il y a un peu moins de divisions en danse. Et après, il y a le chorus, donc, qui ressemble un peu au show petit groupe, on va dire. Et on peut faire aussi un peu de synchro, mais la synchro, c'est un peu plus à la marge. Ah oui, parce que c'est le chorus et la synchro, c'est combien de patineurs ou patineuses en même temps? Alors, le chorus, c'est un petit nombre. Quand j'avais fait la compétition à Genève, on était 7 ou 8. C'est déjà beaucoup, je trouve. Et la synchro, c'est plus comme sur la glace, où je pense que tu as une quinzaine de patineurs ou quelque chose comme ça. Ça ressemble plus peut-être à la précision en patin à roulettes. Parce que donc il faudrait trouver un club avec 15 patineurs qui seraient d'accord pour s'entraîner et faire. Oui, ça, il ne doit pas y en avoir beaucoup en France. Je trouve ça plus intéressant le chorus que la synchro aussi. C'est plus du spectacle, etc. Comme le show un peu, quoi. Je trouve ça plus sympa. Puis, j'ai déjà vu quelques patineurs de synchro dans des compétitions, mais c'est vrai qu'ils n'étaient pas nombreux non plus, quoi. Et après, dans les compétitions de quad, ils demandent pour les pirouettes, je crois que pour la pirouette debout, tu as peut-être 4 façons de t'appuyer, alors qu'en inline, tu fais ta pirouette sur la route devant, quoi. Enfin, tu peux pas t'appuyer plus sur l'intérieur, plus sur l'extérieur. Tu as l'écart aussi, mais c'est soit sur la route devant avec le pied droit, soit sur la route devant avec le pied gauche. Ça va pas trop changer, quoi. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus donc sur le les spécificités justement de entre le enfin qu'est-ce qu'on peut faire en quad, en patin, ouais, qu'on ne peut pas faire en ligne ou inversement? Bah, on peut faire pratiquement la même chose. On peut aussi faire en inline, surtout quand on a une platine plus courte avec trois roues, sur la route derrière, une pirouette sur la route derrière, il y en a qui le font. Enfin voilà. Mais t'as pas je fais sur la route droite ou sur la route gauche, quoi. T'as qu'une roue devant, quoi. Enfin, Et après, tu fais les mêmes figures. Enfin, t'as des salcos, double salco, triple salco, tous les autres sauts pareils. Enfin, voilà, quoi. C'est un peu les mêmes figures, mais c'est pas tout à fait les mêmes appuis. Puis après, niveau compétition, c'est pas les mêmes systèmes non plus, quoi. Oui. Alors, pour en revenir, juste pour préciser, pour ceux qui n'ont jamais vu de roller artistique en ligne, donc ce sont des platines avec 3 ou 4 roues généralement, et à l'avant de cette platine il y a un tampon, donc suivant les marques c'est souvent le même tampon qu'on va trouver sur les rollers, enfin sur les patins à roulettes, et donc ce tampon permet de prendre des appuis pour faire des sauts. Oui. Comme en patinage à glace ou comme en patin. Voilà. Et on peut faire aussi des pas piqués, les sauts et les pas piqués. Alors, pourquoi est-ce qu'on choisirait... Mettons, moi, je suis... c'est un sport plutôt féminin, Oh, il y a des garçons aussi quand même, un petit peu, mais c'est vrai que c'est majoritairement féminin. Moi, je suis un enfant et je sais faire du roller. Donc, mes parents, ils m'ont acheté des rollers en ligne. Et j'ai vu à la télévision du patin à glace là, des compétitions du patinage artistique sur la glace. Et puis j'ai envie de me mettre à faire ça, mais en roller, pas sur la glace, mais en roller. Pourquoi est-ce que j'irais plutôt vers le roller en ligne et pourquoi est-ce que j'irais plutôt vers le quad? Alors moi j'aurais dit que pour ceux qui font du inline, c'est déjà ceux qui viennent de la glace doivent faire du inline. D'accord. Parce que quelqu'un qui fait déjà du patin à glace, il sera plus proche du roller inline que du roller quad qui, en fait, va les changer complètement. Et donc, ce serait peut-être même contre-productif de... De prendre des patins à roulettes plutôt que des patins inline. Moi, je vois, je fais du badminton et j'ai des personnes... Enfin, j'ai quelqu'un qui fait du badminton avec moi et en même temps, il fait autant de badminton que de tennis, et il me dit mais c'est catastrophique, au tennis j'ai les réflexes du badminton et au badminton j'ai les réflexes du tennis, et donc je me trompe à chaque fois, donc il peut pas être le meilleur, il se trompe à chaque fois d'appui et de prise de raquette, et donc je pense que si on fait du quad par exemple, si on fait du patin à roulettes, faut éviter d'aller en séance publique à la patinoire pour s'amuser à faire des pirouettes. Ils peuvent toujours, hein, mais oui. C'est vrai que ça sera compliqué aussi. Enfin, moi aussi, quand je passe du roller inline à la patinoire, c'est pas évident non plus, quoi. Oui. Mais alors, donc, pour le petit garçon ou la petite fille, qui elle a appris à faire du roller en ligne. Est-ce que pour faire du patinage artistique, il vaut mieux pour elle qu'elle aille vers du quad ou vers du roller en ligne artistique? Moi, j'aurais envie de dire, si elle a commencé sur des rollers en ligne, surtout que moi, je préfère le inline, j'aurais envie de dire, continue avec des rollers en ligne et fais du roller artistique inline. Par contre, si tu as commencé avec des patins roulettes, continue avec les patins roulettes. Et puis après, ça dépend quel club est à côté de chez toi. Parce que si tu as que des clubs de patins roulettes, tu vas faire du patin roulette, tu vas pas faire du inline. Si tu as un club de inline à côté de chez toi, tu vas peut-être plus faire du inline. Donc ça dépend aussi de ce que tu as à côté de chez toi. Quand tu es petit, tu peux changer facilement. Mais c'est vrai que quand tu as commencé avec un type de patin, je pense que c'est mieux de continuer avec le même type. Les gens qui font du roller dance, par exemple, c'est mieux qu'ils aillent faire du patin à roulettes que du roller inline. Et si tu veux faire du roller artistique, mais que tu sais pas trop quel patin choisir, mais que tu penses que tu serais intéressé par le roller dance, vaut mieux prendre les patins à roulettes. Le patin, ouais. Est-ce que tu peux me faire un petit état des lieux du roller artistique en ligne en France et puis dans le monde? On en est à quel niveau là? Il y a combien de licenciés en France? Alors, Combien de clubs? j'en sais rien pour le nombre de licenciés. Je sais que aux compétitions, chaque année, ça augmente le nombre de participants aux compétitions. Je crois que l'Open de Toulouse, la dernière fois, il devait être genre 400 inscrits ou un truc comme ça. Ou peut-être. Oh non, je vais pas m'avancer sur les chiffres, oui. Mais ça ouais, fait beaucoup ils quand même. commencent à être nombreux, quoi. Alors, il y a combien de compétitions en France? Alors en inline, il n'y a pas énormément de compétitions. Il y a celle de Paris et celle de Toulouse. Et donc c'est pour les compétitions WIFSA. Après, il y a les compétitions FFRS, donc du coup, qui sont aussi ouvertes au inline autant qu'au patin à roulettes. Donc bah, là, c'est quelques patineurs sporadiques, on va dire, qui vont participer aux compétitions FFRS. Voilà, c'est pas très nombreux. Et en fait, pour revenir sur la WIFSA, du coup, côté inline artistique, vraiment que inline artistique, donc ça a été créé. Il y a quelques années, je sais plus exactement, enfin, peut-être avant que je commence le roller inline, peu de temps avant peut-être, faudrait demander à un spécialiste. Mais... Et donc, ben, je sais qu'il y a Cathy Gallière à Montpellier, qui donc a un club de roller artistique inline, qui a dû commencer dans les années 90. Au début, ben, elle était un peu toute seule, un peu marginale, etc. Et donc, du coup, petit à petit, s'est monté un peu le inline. Quand je suis arrivée en 2013, que j'ai commencé à faire du inline, bah, mon club d'artistique du coup avait ouvert une année avant, je crois. Et donc il n'y avait pas énormément de clubs. Et petit à petit, c'est monté un petit peu. Il a commencé à y avoir de plus en plus de clubs, genre une dizaine de clubs. La FFRS a commencé à s'intéresser un peu au inline il y a quelques années. Mais bon, ça reste toujours un peu marginal, quoi. Et puis les règlements donnent pas forcément envie d'aller vers la FFRS. Et ensuite, bah là, récemment, il y a cette année un nouveau club qui s'est ouvert dans le Cotentin. Donc c'est un ancien club de patinage sur glace qui avait plus de patinoire et qui s'est mis au roller inline. Et donc, je pense qu'il va y avoir de plus en plus de clubs comme ça qui vont soit se mettre au roller inline parce qu'ils n'ont plus de patinoire, ou se mettre au roller inline pour complémenter les heures de classe. Donc, si je comprends bien, tu es pour le réchauffement climatique. Ah oui, ça pourrait être pas mal. Ah, de là à espérer que la patinoire de Nantes ferme, non, faut pas abuser non plus. Mais c'est vrai que si un club de glace à Nantes se mettait au inline, mais je serais la fille la plus heureuse du monde. Et oui, donc il y a de plus en plus de clubs de inline, donc maintenant il y en a une bonne quinzaine peut-être, je dirais, en France. En Italie, ça se développe plutôt bien le inline depuis un certain temps. Il y a même eu un Open mondial en Italie, il y en a déjà eu un en Espagne. Dans les pays de l'Est, je sais qu'il devait y avoir un Open en Pologne. Qui va être reporté du coup à cause du coronavirus et qui va avoir lieu en Pologne. Aux États-Unis, ça a fait un boom avec le confinement. On a vu ça sur les réseaux sociaux, c'était impressionnant. Il y avait des platines en rupture de stock. Toutes les marques de platines étaient en rupture de stock à un moment donné. Et il y a même des platines qu'on connaissait pas qui sont apparues sur le devant de la scène. À Taïwan, il y a quand même pas mal de patineurs, et puis il y en a sûrement dans d'autres pays des patineurs artistiques inline. Niveau platine, donc du coup au début il y avait surtout Peak Skate et Snow White qui étaient les deux platines de référence, on va dire. Il y a les off-ice qui sont apparus, mais qui étaient pas très, qui sont plus conseillés pour des débutants. Mon entraîneuse sur Toulouse les avait essayés, elle avait dit non, ça c'est plus pour des débutants. Et après, bah, là, niveau roller artistique sur patin roulette, il y a des marques qui ont commencé à s'y intéresser, notamment Rollline qui a créé la platine Linea, qui est leur seule platine de inline. Donc en sinon, fait... ils font des modèles de platine pour le patin à roulettes. Alors attends, donc ce sont des marques qui habituellement faisaient que du patin à roulettes et qui se sont mis maintenant à faire des Alors, Rollline faisait que du patin à roulettes et s'est mis à faire une platine de inline. D'accord. Peak Skate et Snow White, c'est vraiment des marques spécifiques pour les platines de roller inline. Après, il y a une nouvelle marque qui est apparue et qui a l'air d'être pas mal, c'est Golden Horse. Et puis après, il y a d'autres platines que je sais qu'elles existent, mais dont je connais même pas le nom parce que, enfin, elles sont assez, assez inconnues. Et peut-être qu'elles réapparaîtront un jour, je sais pas. Alors, est-ce que tu pourrais m'expliquer comment se déroule une compétition de roller en ligne artistique ? Alors, je vais t'expliquer pour la WIFSAP, parce que pour la FFRS, je suis incapable de te l'expliquer. Mais, du coup, la FFRS, est-ce qu'ils ont déjà fait des compétitions ? Alors, ils proposent de pouvoir faire des compétitions inline, mais je t'avoue que j'ai du mal à suivre. Ouais, d'accord. Parce que si tu es dans un club de roller en ligne artistique, tu as une licence WIFJA. Alors, tu peux avoir une licence WIFSA. Souvent, les clubs qui font surtout du inline artistique, qui font que du inline artistique, sont chez WIFSA. Oui. Par contre, il y a des clubs qui sont FFRS, des fois, et qui ont un ou deux patineurs inline. Et donc, du coup, là, c'est plus une licence FFRS. D'accord, oui. Oui. Et après, on peut prendre une licence WIFSA en tant que patineur individuel aussi. Et qui est-ce qui va créer une compétition, en fait? Est-ce que c'est la fédération ou est-ce que c'est le club? Alors, c'est plus le club qui va créer la compétition, par exemple pour l'Open de Toulouse ou l'Open de Paris, qui sont des compétitions au niveau plus national, même si y a des patineurs du monde entier qui viennent à ces compétitions. Il y avait même à une époque des patineuses iraniennes qui venaient. Et ensuite, pour les Open mondiaux, donc en WIFSA, il y a un Open mondial par an, je crois. Et donc là, c'est la WIFSA qui peut-être fait une sorte d'appel d'offres, je pense, qui demande au club qui veut organiser l'Open mondial. Et il y a des clubs qui répondent, moi je vais l'organiser. Par exemple, une fois, ça avait été organisé à Dijon par un club de patins à roulettes. Et donc là, c'est... C'est marrant, un club de patins à roulettes a organisé un événement de roller en ligne. Je crois que l'organisation était un peu mal passée parce qu'ils avaient fait payer l'entrée aux parents et ça avait eu du mal à passer pour le roller artistique inline parce que c'est déjà un sport très méconnu et donc faut l'encourager plus qu'empêcher les parents d'aller chausser leurs petits, quoi, qui ont besoin de leurs parents pour faire les lacets encore, quoi. Alors je vais te reposer la question parce que j'ai un petit peu divagué. Donc comment est-ce que se déroule une compétition? Alors, du coup, pour les compétitions WIFSA, donc, d'abord, tu t'inscris quand il y a l'annonce. Tu t'entraînes dans ton club. Donc, c'est combien de temps à l'avance, l'annonce, le début des inscriptions? Là, par exemple, il y a l'Open de Toulouse qui vient d'avoir l'annonce pour... Enfin, ils viennent de mettre l'annonce pour la compétition de l'Open de Toulouse. Il y a peu de temps, là. Donc là, on est début décembre. Ça sera le 10-11 avril, je crois, la compétition. D'accord, donc on va dire quasiment entre 3, 4, 5, 6 mois à l'avance. Voilà, et puis on a jusqu'à peut-être en mars pour s'inscrire. Donc on a quand même un peu de temps pour s'inscrire, mais bon, il ne faut pas s'inscrire au dernier moment parce que c'est une organisation aussi à faire... les compétitions. Et après, en tant que patineur, quand tu es dans la compétition, tu as un moment où tu t'entraînes. Donc ça peut être la veille ou par exemple le matin même de la compétition, tu vas t'entraîner sur le sol où tu vas patiner. Parce qu'une compétition, c'est sur combien de journées en fait? Souvent, c'est sur un week-end. Un week-end entier, d'accord. Ouais. Donc, tu as l'entraînement, par exemple, le matin. Oui. Et ensuite... Alors, l'entraînement, comment ça se déroule, un entraînement? Un entraînement, tu as la patinoire pour toi tout seul? Non, tu es à plusieurs. Tu peux soit être plusieurs du même club, si vous êtes assez nombreux dans le club. Si tu es tout seul ou qu'il y a quelques patineurs, tu peux être mélangé avec d'autres clubs. Il y a peut-être entre 6 et 10 patineurs qui s'entraînent en même temps. Oui. Et donc là, tu t'entraînes... Au début, on avait le temps de bien s'entraîner, donc on pouvait passer les musiques. Maintenant, on n'a plus le temps de passer les musiques et de s'entraîner à faire le programme en entier. Donc, faut faire des éléments du programme, essayer de se repérer, etc. Et alors, c'est quoi? T'as un créneau de combien de temps pour patiner? Alors, ça fait longtemps que j'ai pas fait de compétition, du coup, mais peut-être une demi-heure, je sais plus. Et une fois que ton créneau est fini... Il y a d'autres personnes, donc toi tu sors du gymnase et quelqu'un d'autre et d'autres groupes s'entraînent. Ouais. D'accord. Ouais. Et ensuite, quand la compétition commence vraiment, donc là il y a les juges qui arrivent, qui s'installent, etc. Et donc tu as un temps d'échauffement qui est plus court. Donc, ça dépend de ta catégorie aussi, et aussi du nombre de personnes inscrites à la compétition, parce que, en fait, plus il y a de nombre inscrits à la compétition, plus il faut réduire les timings. Et donc, tu as l'échauffement qui dure quelques minutes. Et après, à la fin de l'échauffement, bah, c'est comme en patinage sur glace, par exemple, où tu as un ordre de passage qui a été tiré au sort pour la même catégorie. Et chaque personne passe un par un sur son programme. Donc, il y a la musique qui est lancée, le programme qui se lance. Et puis, à la fin, tu termines ton programme, tu salues et tu t'en vas. Tu vas attendre tes notes et puis ils annoncent les notes, etc. Alors, moi, je vais être pointilleux. La musique est lancée. Qui lance la musique? Comment est-ce que tu donnes ta musique? Entraîneur qui gère tout? Moi, quand j'étais sur Toulouse, j'avais la chance, c'était mon entraîneuse qui gérait tout. Elle faisait les CD et elle les donnait, parce qu'à l'époque c'était des CD. Alors maintenant, je sais pas si c'est toujours sur CD ou s'il faut fournir un fichier numérique. Oui. Je pense que ce sera peut-être toujours sur CD. Ah bon, bref, peu importe. Enfin, bon, oui. Je sais pas. Oui. Et donc, tu as fourni ta musique à l'avance avec le nom du patineur, le nom de... Alors, tu le fournis au moment de l'inscription, au moment où tu arrives pour... Enfin, à la compétition, c'est... Alors, je sais pas, parce que c'était pas moi qui faisais les inscriptions. Mais en tout cas, il faut que le CD soit fourni pour quand tu passes. Eh oui, c'est ça, oui. Puis, ils ont tous les CD et puis ils les passent par un. Et après, t'as ton programme aussi où tu dois remplir une feuille sur laquelle tu notes les éléments que tu vas faire et dans quel ordre tu vas les faire. Par exemple, si tu fais une pirouette debout, bah, tu vas marquer l'élément pour pirouette debout, upright spin, voilà quoi. Et donc, faut faire les éléments dans le bon ordre et pas se tromper d'éléments, sinon tu n'as pas les points de ton élément, quoi. Ah oui, les juges. Oui. Et donc, tu as une seule feuille, il y a combien de juges, en fait? Ça dépend des compétitions, des catégories, je crois. Mais il y a plusieurs juges qui ont des rôles différents. J'avoue que je ne suis pas juge, donc je ne connais pas trop le système. Je n'ai jamais organisé de compétition non plus, donc je ne sais pas trop. Mais tu as plusieurs types de juges. Tu as le juge référent, tu as plein de juges. En gros, tu as 3 ou 4 juges, je pense, pour juger, quoi. Et puis, du coup, tu as un élément dans ton programme. À chaque fois qu'il y a un élément dans ton programme, il regarde ton élément, s'il est bien exécuté ou pas. S'il n'est pas bien exécuté, par exemple, qu'il manque un petit bout à ton saut, tu peux perdre quelques points. Ils mettent -1 ou -2, par exemple. Si, par exemple, tu as fait une pirouette debout et qu'elle a bien tourné, qu'elle a fait beaucoup de tours, etc., ben, tu peux avoir un bonus. Et après, tu as une note technique et puis après une note artistique. Pour moi, la note artistique, c'est celle qui pêche le plus, du coup. et c'est quoi? C'est la moyenne des deux qui va compter au final? Et du coup, ils font la somme des deux. La moyenne, ouais, voilà. C'est pareil de toute façon. Et la note, elle est sur combien? Les notes sont sur combien? Je crois que c'est infini. Donc, plus tu fais un élément difficile, plus il a une valeur en points. Ça n'existe pas pour l'instant, mais admettons que tu fasses un Axel de 5 tours, tu vas avoir une super valeur pour ton Axel, quoi. Voilà, quoi. Ouais. Est-ce qu'il y a des points de règle intéressants, un peu marrants? Un jour, tu m'avais parlé des tenues qui devaient être très réglementées, qu'on ne devait pas voir les nombrils et tout ça. Oui, ben, une fois, il y avait une fille dans mon club qui avait un académique sur elle. Donc, c'est une tenue en une pièce avec pantalon et haut, quoi. En fait, elle avait, au niveau du nombril, du tissu transparent. Et du coup, on voyait son nombril. Et ça n'a pas plu au juge. Et elle a eu une déduction de points. Parce qu'on voyait son nombril sur son académique. Donc, pour la compétition suivante, elle a dû améliorer sa tenue pour pouvoir pas perdre de points, quoi. C'est une façon de perdre des points un peu bêtement. Oui. Donc, il faut quand même faire attention à comment t'es habillé en compétition. Tu vois d'autres points de règle? Moi, la partie sur laquelle j'ai envie d'insister le plus, c'est que... La WIFSA, c'est un règlement qui permet à tout le monde de faire des compétitions, quoi. Alors, j'aimerais maintenant qu'on rentre un petit peu plus dans le dur, en fait, et que tu me présentes qu'est-ce qu'on peut faire enfin, les figures, les postures, tout ça, les sauts, qu'est-ce qu'on peut faire en roller en ligne artistique? Alors, qu'est-ce qu'on a comme les éléments que tu mets sur ta feuille quand tu donnes au jeu? Les éléments que je mets sur la feuille. Alors, il y a quel type? Alors, il y a, je dirais, quatre types d'éléments, c'est-à-dire oui. Les sauts, oui. Les pirouettes, mm-hmm. Une séquence de pas, oui. Et une séquence avec des attitudes. D'accord. Alors, on va les prendre un par un. Ouais. Celui que tu veux en premier. Donc, je vais commencer par les sauts, par exemple. Oui. Donc, les sauts, t'as, selon ta catégorie, certains sauts qui sont autorisés et d'autres qui ne sont pas autorisés. Par exemple, si je prends l'exemple de la mienne, c'est-à-dire 3e division adulte, t'as le droit de faire seulement un boucle piqué ou un salco ou des sauts de un demi-tour. T'as pas le droit au flip, au lutz et alors, encore moins à l'accel. Est-ce que tu peux m'expliquer tous les sauts possibles, s'il te plaît? C'est-à-dire Le lutz, le piqué, le salco, le... Je sais, c'est quoi tout ça? C'est des... Alors, les sauts que je t'ai cités, c'est des sauts de un tour. Oui. À part l'axel qui est un saut de un tour et demi. Oui. Le saut de valse, c'est un tour de un demi-tour. C'est un saut d'un demi-tour. Et après, tu peux faire aussi des demi-lutz ou des demi-flips, qui sont des sauts de un demi-tour. C'est les sauts de un tour, mais où on fait qu'un demi-tour et qu'on atterrit en avant. D'accord. Et donc, lutz, flip, ça va être quoi c'est quoi? C'est les départs, les arrivées, alors, les appuis Tu as différentes façons de faire un départ de saut. Donc, par exemple, tu peux le piquer, comme dans le boucle piqué, le lutz le flip. Ouais, donc, le piqué, c'est-à-dire avec le tampon. Voilà, c'est avec le tampon. Oui. Donc, le boucle piqué, si tu es droitier, par exemple, tu vas piquer avec ton pied gauche. Si tu es gaucher, ça va être l'inverse symétrique. Le flip, c'est comme le boucle piqué, sauf que tu piques avec ton pied droit. C'est un saut un peu plus difficile que le boucle piqué. Du coup, comme tu piques pas avec le même pied, au niveau de la rotation, c'est un peu plus compliqué. Et après, tu as le lutz qui est un saut où tu piques avec le même pied que le flip. Mais en fait, la différence, c'est au niveau des quarts et de la préparation du saut. Le lutz, en fait, tu vas partir sur une courbe qui est dans un sens. Oui. Et quand tu vas atterrir sur une courbe qui est dans l'autre sens. En fait, tu as un changement de quart entre le début du saut et la fin du saut. Et donc, tous ces sauts piqués se font départ en arrière. Tous en arrière. Il y a des sauts qui se font pas en arrière. Alors les deux sauts qui se font pas en arrière, c'est le saut de valse qui est un saut d'un demi-tour, tu pars de l'avant et t'atterris en arrière, et l'axel qui est un saut de un tour et demi ou deux tours et demi si c'est un double axel ou etc. Qui part de l'avant et qui fait un tour et demi et qui atterrit en arrière. Tous les sauts s'atterrissent en arrière, sauf du coup le demi-flip et le demi-lutz. Où on atterrit en avant parce qu'on fait qu'un demi-tour au lieu d'un tour. Et alors, donc on comprend bien que quand on fait un saut piqué, donc on prend appui sur le tampon, et quand on ne fait pas piqué, en fait, on prend appui sur quoi Sur ce qu'on peut. Sur ses patins, quoi. Sur ses patins. Par exemple, un patin ou sur deux patins? En fait, ça va être, c'est ça, c'est sur un pied ou non, sur deux pieds? Non, c'est sur un pied, généralement. C'est même toujours un pied. À moins que tu sois en quatrième division et que tu fasses des petits sauts d'un demi-tour. Le salco, en fait, tu te retournes sur toi-même, tu fais ce qui s'appelle un 3, et ensuite tu te retrouves en arrière, et là, t'envoies ta jambe en large pour pouvoir sauter. Donc tu pars de ton patin gauche pour les droitiers pour sauter, et après t'as le boucle où du coup tu pars en arrière, t'as la jambe déjà croisée devant et tu rentres vers l'intérieur du cercle pour sauter, d'accord, ensuite, faire un tour. Et on est d'accord que ça va être les mêmes choses que le patinage sur glace? Oui, les mêmes appellations, c'est tout ça. Les mêmes appellations sur le patinage sur glace. Okay. Est-ce qu'on a fait le tour des sauts, là, à peu près? Après, il y a d'autres éléments en saut que je ne connais pas très bien. Il y a des éléments de transition entre les sauts qu'on peut utiliser des fois pour enchaîner plusieurs sauts de suite. Par exemple, en troisième division, on a le droit de faire quatre sauts, dont un saut qui est une combinaison de deux sauts. Et en patin roulette, ils sont beaucoup plus portés sur les combinaisons de sauts, donc ils ont beaucoup d'enchaînements de sauts des fois, et donc ils ont besoin d'éléments de transition. Donc il existe des éléments de transition entre les sauts que D'accord. je suis pas forcément capable de te citer. Alors c'est difficile d'enchaîner deux sauts. Ah, c'est plus dur que d'en faire un isolé. C'est, voilà, c'est, on est d'accord. Ouais. Oui. Ouais. Alors on va peut-être passer aux pirouettes maintenant. C'est quoi une pirouette ? Donc une pirouette, c'est quand tu tournes sur toi-même, sur un pied. Donc ça, c'est la fameuse danseuse étoile. En fait, quand on mime une danseuse étoile, c'est voilà. souvent on fait une pirouette. Ouais. Sur, donc un pied, deux pieds, c'est... Donc deux pieds, c'est une toupie, mais tu peux le faire si tu veux. Par exemple, en quatrième division, tu peux faire une pirouette sur deux pieds, du coup... Ouais. Bah, parce que tu sais pas faire une pirouette sur un pied forcément, donc ça aura une moins bonne valeur qu'une pirouette sur un pied, mais au moins ils te demandent quand même de faire une pirouette en quatrième division, je crois. Alors donc on a quoi comme style de pirouette ? Donc bah il y a les pirouettes en position debout. Donc tu peux, par exemple, si t'es droitier, tu peux faire une pirouette, ce que je dis normale, c'est-à-dire sur le pied gauche et tu tournes vers la gauche. Et après, tu peux faire une pirouette. Alors, tourner vers la gauche, ça veut dire que. Ça veut dire quoi? Tourner vers la gauche, en fait. C'est sur le pied gauche, et tu tournes. Dans le sens des aiguilles d'une montre ou le sens inverse des aiguilles d'une montre? Tu tournes vers ta gauche quand tu tournes sur toi-même. C'est-à-dire que ma tête va. Enfin, ma tête va tourner à gauche? Oui, c'est ça. D'accord. Donc pour moi, c'est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, quand on part du pied gauche. Et ça, c'est quand on est droitier. Oui, d'accord. Et quand on est gaucher, c'est l'inverse en symétrique. Ok. Et ensuite, tu peux avoir la pirouette debout, dehors, arrière. Donc là, c'est sur le pied droit. Et donc, tu tournes toujours vers la gauche. Quand tu es droitier, de toute façon, que ce soit les sauts ou les pirouettes, tu tournes vers la gauche. D'accord. Et quand tu es gaucher, c'est l'inverse. D'accord. Donc, les pirouettes debout. Donc les pirouettes debout. Ensuite, tu as les positions assises. Donc, tu as la pirouette assise, on va dire classique, où tu as la jambe qui arrive devant. Donc, moi, j'arrive pas à la faire parce que je suis pas très souple et j'arrive pas à descendre. Sinon, j'ai la position pataki que je trouve plus simple, où tu as la jambe sur le côté. Pataki. Ça vient d'où ça s'appelle. Je pense que ça doit venir d'un patineur. Ouais. Je sais pas, mais ouais. D'accord. Et ensuite, par exemple, tu peux amener ta jambe derrière toi quand tu es assis. Enfin, tu as plusieurs variations de position assise. T'as aussi les pirouettes du coup allongées, donc pirouette par exemple la position classique c'est en arabesque où en gros t'as la jambe qui te soutient qui est tendue et la jambe libre qui vient se tendre derrière et qui voilà et par exemple je sais même pas j'allais dire que la beanman c'était une position allongée mais c'est peut-être une position debout. D'accord, soit on peut passer d'une position à l'autre sur la même pirouette. Voilà, donc tu peux faire des pirouettes combinées, où là, tu as par exemple deux positions de pirouette, ou trois positions, etc. Quoi. Et tu as aussi, quand tu avances dans un niveau un peu plus avancé, tu as des positions avec entrée-sautée, tu as des pirouettes combinées où tu vas changer de pied sur lequel tu fais la pirouette. Tu fais par exemple ta première pirouette sur le pied gauche et puis ensuite tu passes sur le pied droit. Et pareil, tu as toutes les positions sur le pied droit, assise, allongée, debout. Ok, on a fait le... Donc, si je suis droitier, est-ce que je peux faire une pirouette sur le pied droit ou pied gauche indépendamment ou il y a vraiment un pied plus facile Alors, que l'autre En fait, en compétition, je crois que tu as le droit de faire des éléments de gaucher si tu es droitier. Par exemple, tu peux faire un salco de droitier, un boucle piqué de droitier, et à un moment dans ton programme, tu vas mettre un saut de valse de gaucher. Et bien, le saut de valse peut avoir une plus-value parce que tu as fait un élément qui était de notre latéralité. Voilà. Mais je crois pas qu'il y ait beaucoup de patineurs qui s'amusent à faire ça. D'accord, ok. Et mais alors, c'est marrant. Mais il faut... Je suis pas sûre que ce soit vraiment comptabilisé, mais j'avais entendu ça que tu pouvais D'accord. faire ça. Et sur la feuille que tu donnes pour dire les enchaînements que tu vas faire, tu mets si tu es droitier ou gaucher Non, ou... tu l'écris pas. Le juge, il voit de lui-même. Ils sont forts, les juges. Et il voit dans quel sens tu tournes. Après, c'est une question d'habitude, puis c'est un métier. Ok, on va passer au pas alors. C'est quoi un pas? Alors, un pas, c'est. Ah, c'est difficile à décrire. Alors, mais tu parlais de croisés tout à l'heure, ça c'est un pas ? Ah non, les croisés c'est pas un pas, et même tu perds des points si tu fais trop de croisés dans une série de pas, par exemple, même vaut mieux éviter de faire des croisés dans une série de pas, parce que c'est pas vraiment des pas. Les pas, enfin, je peux te citer des pas, mais je peux pas vraiment te décrire ce que c'est des... Enfin, du coup, tu dois faire une série de pas. Alors, normalement, c'est sur une longueur entière de la piste et utiliser des fois toute la largeur de la piste selon le niveau que tu as. En 4ème division, par exemple, tu as le droit de faire qu'une moitié de piste, qu'une moitié de longueur. Et donc, tu enchaînes des pas. Par exemple, tu enchaînes, je sais pas, des cross-rolls. Alors, c'est quoi un cross-roll ? Les cross-rolls, c'est des pas où tu croises par-dessus. Donc, ça, c'est plutôt des pas un peu simples. Oui, la bouteille saoule, c'est voilà, un pas. Voilà, ça c'est un pas. Ouais, t'as retenu la bouteille saoule. Un 3, c'est un pas. Un 3, c'est un pas. Tu peux faire des double 3, tu peux faire des. C'est quoi un 3 ? Des twizzles. Alors, un 3, c'est un retournement sur un pied. Tu patines sur un pied, tu te laisses glisser. Oui. Et tu tournes, tu passes de l'avant vers l'arrière, par exemple, sur ton pied, et ça dessine un 3 sur le sol, c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça. D'accord. Et tu peux passer de l'avant vers l'arrière, de l'arrière vers l'avant. Sur tu le pied droit, sur le pied gauche. Voilà, sur le pied droit, sur le pied gauche. Tu peux aller vers l'extérieur ou vers l'intérieur, sur une carrière externe ou interne. En fait, c'est un petit peu comme une pirouette, mais en déplacement, pas sur place. Alors, les pirouettes, c'est plusieurs tours sur place, alors que là, le 3... Si tu enchaînes les 3... Voilà, ouais. Enfin, oui, c'est qu'un demi-tour. Un 3, c'est un demi-tour. Le double 3, ça va être deux fois un demi-tour. Voilà. Et le twistle, tu disais ? Les twizzles. Twizzle. Du coup, c'est... Alors, moi, je sais pas vraiment en faire, j'ai jamais vraiment appris, mais c'est... Moi, je trouve que ça ressemble à des double 3, en fait. Après, t'as les positions de la jambe, des bras et tout qui changent. Ensuite, t'as des pas un peu plus compliqués, braquettes par exemple, choctaw, je sais même pas ce que c'est en fait, mais s'il faut, c'est un pas qui est assez simple, je sais même pas. J'ai jamais eu l'occasion de l'apprendre. On peut inventer des pas Ou il faut que ce soit, ou un pas, c'est un pas, il y a un bouquin qui dit non. Je sais pas si tu peux inventer un pas, mais il y a tellement de variétés de pas que. Ça suffit pour faire une série de pas. Après, des fois, dans la série de pas, tu peux faire des arrêts, des pivots, des trucs comme ça. Tu peux essayer de t'amuser un peu, quoi. Enfin, voilà. Ouais. Et puis après, tu as des éléments qui sont demandés. Plus tu augmentes de niveau dans les divisions, plus ils te demandent des éléments différents. Par exemple, il faut que ça tourne un peu dans les deux sens, qu'il y ait des pas piqués. Après, il faut que tu aies des pas compliqués, L'aigle. Comme des boucles. Non, l'aigle, ça c'est plus. Une attitude Des éléments de transition pour les attitudes. Et la fente Ina Bauer. C'est plus dans la série d'attitudes qu'on met ça. Alors passons aux attitudes. C'est quoi une attitude? Alors les attitudes, c'est. Moi j'ai tendance à résumer ça au fait de se mettre sur un pied et d'avoir la jambe en l'air, l'autre jambe en l'air. Donc ça peut être l'arabesque où t'as la jambe derrière toi, la fenêtre où t'as la jambe derrière toi mais que t'attrapes le pied dans ta main, la royale t'attrapes le pied opposé, après t'as le Y, t'as le I où en gros tu fais un Y et après t'amènes la jambe devant toi et ça fait un I, c'est pour ça que ça s'appelle le I. Après t'as plein d'attitudes que je connais pas forcément, t'as la Billman que je trouve magnifique quand c'est sur une pirouette. Alors, tu peux nous redire ce que c'est une Billman, s'il te plaît ? La Billman, en fait, ça ressemble un peu à une fenêtre au départ. T'attrapes ton pied et en fait, t'amènes ton pied au-dessus de la tête et t'as les deux jambes qui sont quasiment en grand écart. Et donc, c'est-à-dire que j'ai mon pied gauche sur le sol. Ouais. Et mon pied droit va venir se soulever, mais par derrière. Par derrière, oui. Et je vais l'attraper avec une main, deux mains. Au début avec une main, et puis après, quand tu te mets en position, tu mets la deuxième main et tu tires bien, en gros. Enfin, après, je sais pas faire parce que j'ai pas la souplesse. Et donc, en fait, même un pion mobile, il peut pas faire ça. Il faut vraiment un homme élastique pour, pour faire ça. Ok, d'accord. On voit ce que c'est que donc les sauts, les pirouettes, les pas et les attitudes. Et donc les attitudes, quand tu fais une séquence, donc ça s'appelle une séquence chorégraphique, tu dois avoir des éléments de transition entre, et tu peux mettre par exemple une Fantina Bauer. Donc du coup, c'est une figure où tu te déplaces latéralement, on va dire. Tu as par exemple le pied gauche qui va vers l'avant et qui est plié, et puis derrière, tu as la jambe... le pied droit qui est parallèle à ton pied gauche et avec la jambe tendue derrière. Et Enfin bon, c'est difficile à décrire comme ça, mais enfin voilà. D'accord. On va clore ce chapitre sur le roller en ligne artistique, à moins que tu aies quelque chose à ajouter, qu'on ait oublié. Du coup, dans les programmes, il y a les éléments imposés, mais il y a aussi la note artistique qui compte quand oui, même. Oui, alors comment pas oui. l'oublier. Mmh. Et donc, la note artistique, ça dépend de ton interprétation et tout. C'est là où ça pêche pour moi, du coup. Donc, je suis même pas capable de dire tout ce qui est attendu, mais faut que ce soit en même temps que la musique, etc., que ça aille bien, qu'il y ait un effet d'ensemble qui soit bien, qui soit cohérent, et puis que ça soit joli à voir, etc. Que tu aies le sourire. Oui, aussi, ça compte je d'avoir le sourire. Je pense que ça doit compter. Les juges, ils aiment bien quand tu souris et tout. Ils voient passer des programmes toute la journée. Des fois, ils en ont un peu marre. Tu dois te présenter au début, à la fin du programme. Ah oui, alors quand tu entres, tu te présentes, tu fais un petit mouvement de bras, de jambes, enfin, tu te présentes. Et puis, quand tu t'en vas, surtout, faut pas oublier de saluer. Parce que si tu oublies de saluer, eh ben, t'es pas noté. Ah, bah, comme ça, c'est... Voilà. Voilà, ok. Ok. Alors donc on va passer à autre chose. Manifestement, tu comme moi, tu aimes bien le roller. Et j'aimerais savoir comment est-ce que tu suis l'actualité du roller. Comment tu t'informes sur le roller. Tu me disais que la FFRS propose maintenant des compétitions roller en ligne artistique, tiens, les 24 heures du Mans, c'est annulé. Enfin, comment tu suis tout ça? Je dirais que la plupart des choses, c'est par les réseaux sociaux. Je suis déjà abonnée à des fils d'actualité. Par exemple, sur Facebook, je vois ce qui se passe. Du coup, il y a les choses qui me viennent à moi directement. Alors, que j'ai forcément sur Facebook, parce que tu es abonnée aux pages... Voilà, à certaines pages. Lesquelles? Je t'avoue que je suis abonnée à beaucoup de pages. Combien, à peu près? Ah, j'en sais rien. par exemple, il y a le site Roller en ligne, par exemple, qui crée des articles sur Roller. Donc là, je suis abonnée à cette page. Il y a des clubs d'artistique, que ce soit des clubs de patins à roulettes, j'aime bien suivre un peu ce qu'ils font, ou sur Nantes surtout, hein, pour suivre l'actualité nantaise. Mon ancien club de patins inline, je suis le nouveau club du Cotentin en inline, j'aime bien voir comment ils évoluent, etc. Des boutiques de patinage éventuellement aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après, pour la rando, par exemple, les pages des événements, par exemple, la Groll Race, il y a une page pour la Groll Race. Des clubs qui organisent des événements, du coup, il y a la page du Groll aussi, la page des 24 heures du Mans, enfin, plein de pages comme ça. Je sais même plus te dire toutes les pages que je suis. D'accord, donc c'est essentiellement Internet et Facebook. T'as d'autres moyens de suivre? Des fois, quand j'ai besoin d'une information, je vais carrément sur le site, par exemple le site de la WIFSA ou de la FFRS. Ou sinon, quand tu es en club ou en association, tu as l'info par les autres, par exemple. Ah, y a tel événement qui va avoir lieu, qui veut s'inscrire. Donc là, t'as l'info, quoi. Et donc, c'est un peu assez plurisource, on va dire. D'accord, bien sûr. Il faut toujours recouper les sources pour avoir la vraie... Enfin, aller à la source plutôt de l'information les informations. Après, il y a les vendeurs de matériel aussi. Pour suivre les actualités de matériel, tu regardes qu'est-ce qu'ils vendent. Voilà, quoi. Ok, alors si tu le veux bien, on va faire une petite pause... parce que ça fait comme 1h30, 1h25 qu'on enregistre, et j'ai besoin de faire une pause technique. Moi aussi. Et donc, nous voilà de retour. Alors, pendant la pause, Céline, j'ai vu un objet, je ne sais pas trop s'il était en bois ou en plastique, je crois qu'il était en plastique, ça ressemblait à une semelle épaisse. Est-ce que tu vois de quoi je veux parler? Ah oui, je vois. Je parle de quoi alors? Ah mais tu parles de mon spinner. C'est quoi un spinner? Alors, un spinner, c'est, comme tu as bien décrit, c'est une semelle assez épaisse, en plastique qui est rigide, bien rigide. Et en fait, tu peux l'utiliser à l'intérieur, et tu le places par terre, tu mets ton pied dessus, et tu fais ta pirouette. Et d'accord. Ça t'entraîne à faire les pirouettes. Donc, t'as pas besoin de mettre tes rollers, tu fais ça en chaussettes, en chaussures. En chaussures. En chaussures. et tu fais une pirouette, enfin ça te voilà, t'aide, et voilà. Tu peux t'entraîner à faire toutes les positions. Alors j'ai vu une vidéo d'un jeune qui faisait qui enchaînait plein de positions de pirouette, c'était vraiment très impressionnant, il enchaînait plein de positions en une seule pirouette. D'accord. Bon, bah écoute, la pause aura été nous aura bien ouvert le enfin nous aura permis de bien fermer ce dossier maintenant. On va passer donc maintenant à la présentation de la Rando Roller de Nantes. Là, donc, tu nous as dit que tu faisais partie de l'association. Est-ce que tu peux nous parler de justement comment s'appelle cette association ? Cette association qui fait du roller à Nantes s'appelle tout simplement Nantes Roller. Voilà, ils ne sont pas allés chercher bien loin, voilà, mais au moins ça. C'est efficace. Voilà. Et donc, c'est une association qui organise des randonnées roller à Nantes. Donc, c'est juste dans la ville de Nantes. Ils n'ont pas le droit d'aller plus loin parce qu'ils ont un arrêté municipal de Nantes qui les autorise à faire les randos et à les organiser. Donc, ils ne peuvent pas se retrouver à Saint-Sébastien ou à Saint-Herblain ou à Orvault ou je ne sais où. Ah, j'avais jamais remarqué en fait qu'on restait toujours dans Nantes. Oui. Pour les randonnées, on reste et même dans quand Nantes. On fait une randonnée au sud de Nantes, ben on reste dans le petit bout du sud de Nantes qui est autorisé. Ah, j'avais jamais remarqué en fait. Et donc en fait, c'est des parcours qui sont définis à l'avance. Il y a une quinzaine de parcours et chaque jeudi soir, il y a un parcours différent qui est choisi pour faire la rando. Alors les parcours sont numérotés, voilà. Et donc du coup, c'est tous les jeudis soirs rendez-vous à 20h30 pour un départ à 20h45. Et la randonnée dure environ 2 heures. Souvent, on revient entre 22h30 et 23h. D'accord. Et donc, c'est encadré par des bénévoles qui mettent un chasuble pour arrêter les voitures au carrefour, pour permettre au cortège de passer en toute sécurité. À l'arrière, il y a une voiture balai et des vélos pour la sécurité. Et donc, il y a différents rôles dans l'association pour encadrer la rando. Il y a le responsable de la rando, le responsable du cortège qui va définir la vitesse du cortège et qui va empêcher les gens qui veulent aller trop vite d'aller trop vite. Il y a un responsable qui place les gilets jaunes du coup au carrefour pour bloquer les voitures et permettre à la rando de passer. Et ensuite, voilà, je crois que c'est à peu près tout. S'il y a des secouristes aussi, en cas de petits bobos ou éventuellement de gros accidents, mais on espère que ça n'arrivera pas. Mais au moins, on a prévu cette éventualité. Ouais. Et donc, tous les soirs, il y a des parcours. Donc les parcours sont avec pas mal de relief, surtout. Enfin, parce qu'on est à Nantes et quand même, la ville n'est pas toute plate. Il y a deux parcours qui sont plus plats et qui souvent sont utilisés pour les randos pendant les vacances scolaires, généralement, pour que, éventuellement, des enfants puissent venir aux randonnées. D'accord. Et donc, ils font ça, donc c'est toutes les semaines, toute l'année ? Ou il y a une trêve ? C'est toutes les semaines, toute l'année. À une époque, il y avait une trêve, mais maintenant, ils font un roulement pour qu'il n'y ait plus de trêve et qu'il y ait toujours des responsables pour faire la rando. D'accord. Est-ce qu'ils organisent autre chose aussi ou pas ? Alors oui, du coup, des fois, ils organisent des participations à des événements. Par exemple, la Groll Race, les 24 heures du Mans. Notamment, les 24 heures du Mans... C'est Nantes Roller qui participe à l'encadrement de la parade des 24 heures du Mans qui a lieu avant le début des 24 heures du Mans. Donc là, on fait deux tours de circuit pour découvrir le circuit pour ceux qui ne le connaissent pas et pour parader si tu as envie. Il y a plein de gens qui sont déguisés souvent, etc. Puis c'est une ambiance assez simple. Et il y a combien de personnes qui participent à ces randonnées sur Nantes, généralement ? Alors, sur Nantes, en ce moment, là, il y a le coronavirus, donc il n'y a plus de rando. Oui. Mais sinon, on était entre 40-60, en général, selon la saison, quoi. Des fois, en été, il y a plus de monde. En hiver, il y a un peu moins de monde. Ouais. Est-ce que tu peux me parler un peu plus de l'organisation de Nantes Roller ? Comment est-ce que la vie de l'association, comment est-ce qu'elle est menée ? Il y a combien d'assemblées générales par an ? Alors, il y a une assemblée générale par an. Et après, il y a des réunions mensuelles qui sont ouvertes à tous les adhérents pour s'informer ou pour participer au débat, pour pouvoir voter à certains éléments qui peuvent être votés. Par exemple, Est-ce qu'on participe aux 24 heures du Mans? Ça peut être une question, par exemple. Mm-hmm. Généralement, on ne se pose pas la question, on y participe. Mm-hmm. Voilà. Voilà. Puis après, il y a le bureau qui se réunit plus souvent pour éventuellement discuter d'autres sujets qui ne sont pas forcément à discuter en réunion mensuelle. Puis ils nous en tiennent compte en réunion mensuelle, etc. D'accord. Quelque chose d'autre à ajouter sur l'entrôleur? Non. Non. Mmh. Et bon, on va aller vers tranquillement vers la fin de l'interview. Est-ce que tu as un avis particulier sur la Fédération française de roller skating, la FFRS? Alors niveau rando, bah, je suis contente. C'est ma fédération de roller et ça permet de pratiquer. T'as pas besoin d'amener un certificat médical, par exemple, si tu veux participer à des compétitions comme les 24 heures du Mans. La licence mention compétition où t'as donné un certificat médical avant suffit. Et comme ça, t'as pas besoin de refournir un certificat médical à chaque fois, et c'est pratique. Oui, heureusement, je dirais. Ouais. Après, du coup, niveau patinage artistique, bah, moi, j'ai une préférence pour la WIFSA, du coup. Je suis pas très FFRS pour le patinage artistique inline. Après, je me pose quand même la question un peu légitime. À qui revient le patinage artistique inline? Est-ce qu'il revient à la FFRS qui fait du roller, parce que le patinage artistique inline, c'est du roller, ou est-ce qu'il revient à la WIFSA qui dépend de la FFSG, donc la Fédération française des sports de glace, parce que le roller artistique inline, à la base, c'est pour ceux qui viennent du patin à glace, et ça complète le patin à glace, donc c'est aussi bien d'utiliser le roller artistique inline en complément du patin à glace. C'est encore un peu compliqué en ce moment, mais est-ce que on doit continuer à faire des compétitions dans les deux fédérations, ou est-ce que ça doit revenir à une fédération en particulier, mais dans ce cas-là, laquelle? Et enfin voilà. Donc moi je pense que le inline artistique c'est que pour la WIFSA. Et ils peuvent faire un peu de inline en FFRS pour d'éventuels patineurs qui seraient de la FFRS, qui seraient intéressés. Mais, enfin, comme c'est maintenant, je trouve que c'est pas mal. Après, je crois qu'ils sont en train de travailler là-dessus quand même, essayer de trouver une façon un peu plus harmonieuse pour le sport. D'accord. Comment est-ce que tu penses que les autres personnes perçoivent le roller, les politiques ou n'importe qui, la première personne que je croise dans la rue? Souvent, quand je fais du roller, que je patine, que je suis dans la rue, que je suis en train de me déplacer, souvent, j'ai en tête les mamies là, un peu âgées qui te voient et puis... souvent, elle s'écarte un peu, genre « Ouh là là, ça fait peur », etc. Et c'est vrai que j'ai tendance à penser que beaucoup de gens voient le roller comme quelque chose d'un peu pour les personnes casse-cou, un peu dangereuses, etc. Qu'ils ont peut-être à l'esprit que ceux qui font du roller dans les skateparks, hein, que le roller, c'est beaucoup d'autres disciplines. Il n'y a pas que le skatepark, quoi. Et on peut en faire de façon tout à fait raisonnable et responsable, on va dire. Et donc il y a plein de disciplines qui sont méconnues, mais aussi je pense que ça devrait être un moyen de déplacement à part entière et qu'il devrait être considéré comme tel. Et c'est tellement méconnu en fait que du coup la loi n'est pas adaptée. Actuellement, si on veut se déplacer à roller, on est censé rouler à moins de 6 km/h sur le trottoir. Donc moi je m'appuie sur un article de loi qui dit que si le trottoir n'est pas praticable, on peut utiliser toute ou partie de la chaussée. Et donc du coup c'est ce que je fais la plupart du temps parce que j'estime que le trottoir n'est pas praticable. Et surtout on devrait pouvoir circuler comme un vélo parce que on circule à la même vitesse que des vélos. Des fois on les double, des fois il y en a d'autres qui nous doublent, ça dépend des niveaux. Et par contre, il faut savoir maîtriser ses rollers, c'est comme tout, pour pouvoir aller sur la route et se déplacer. Enfin, sur la route, plutôt sur la piste cyclable du coup. Ou les bandes cyclables, quand il n'y a pas de piste cyclable. Mais du coup, voilà. Je trouve qu'il y a une méconnaissance du roller, des fois, pour les déplacements, qui fait que c'est dommage que la loi n'est pas adaptée. Et je sais que tu prends souvent les transports en commun, enfin le bus et le tramway à Nantes. Ouais. Et je pense que tu trimbales ton sac avec tes rollers. Tes rollers sont apparents quand tu le prends ou ils sont dans un sac? Alors, Quand je fais de l'artistique, du coup, j'ai mes rollers qui sont dans un sac. Oui. J'ai un sac. Oui. Et quand je fais de la rando, par exemple, j'ai jusqu'à mon cours de rando qui peut être un peu loin ou que j'ai pas envie d'y aller en roller. Là, du coup, j'ai mes grandes platines, etc., qui sont apparentes. Ouais. Du coup, peut-être que les gens me voient avec mes rollers. C'est quoi le regard des personnes, en fait, quand ils te voient monter dans le bus avec tes rollers qui avec des grandes platines et des grandes roues, enfin 4x100 mm, c'est pas des rollers qu'on voit tout le temps, c'est pas le roller qu'on voit tout le temps. Ridicule des fois de prendre les transports en commun alors que t'as des rollers comme ça. Mais... Les gens ils en pensent quoi? Bah, je sais pas, au début j'étais un peu gênée de prendre les transports avec ces grands rollers, puis en fait je regarde même plus les gens, je vois même pas ce qu'ils en pensent. D'accord. Voilà, ça y est, je prends les transports avec ça, que je prends beaucoup les transports. Ouais. Alors moi, c'est vrai, ça me fait rire parce que quand on est en randonnée là le jeudi soir là, avec Nantes Roller, donc on est beaucoup de personnes à faire du roller, quoi. On est en groupe et quand on arrive devant des arrêts de bus et qu'il y a des personnes qui sont aux arrêts de bus, et souvent ils nous applaudissent. On ne sait pas trop pourquoi, mais comme si on était en train de faire une compétition. C'est vrai que des fois, il y en a qui nous encouragent et qui font aller plus vite, etc., comme si c'était une course ou quoi. Et voilà, c'est rigolo, ça aussi. Ouais. Après, des fois, il y en a qui ne sont pas contents parce qu'on bloque la circulation et qui ne peuvent pas avancer. Alors Céline, qu'est-ce que tu ressens quand tu fais du roller? C'est une bonne question, j'en sais rien, je sais pas, j'aime ça, ça me fait du bien. Je sais pas dire ce que je ressens exactement, mais j'aime bien me laisser glisser comme ça sur les rollers, j'aime ça quoi. Enfin, et puis comme c'est un sport que je maîtrise à peu près quoi, du coup je suis à l'aise et je suis bien dessus quoi. Et... C'est mieux que certains autres sports. Par exemple, si je fais de la course à pied, si ça me plaît pas du tout, je sais pas, c'est un sport doux qui est agréable, j'en sais rien. Ouais. Demain, t'as un grand coup dur dans ta vie. Ouais. Gros problème financier. Tu dois te séparer de tous tes rollers, tu dois garder qu'une seule paire. Tu gardes quelle paire de rollers? Ah, mais t'es dur. Alors ça... Randonnée, fitness... Parce que tu as une paire intermédiaire entre j'ai une paire fitness. Et c'est une excellente question parce que, avec des rollers de randonnée, tu peux certainement pas faire de l'artistique. Oui. Et avec des rollers d'artistique, c'est très instable et tu peux pas faire de la randonnée. Et puis, c'est pas fait pour et tu vas les abîmer. Fait pour, ouais. D'ailleurs, j'ai déjà essayé une fois. Ne change pas de conversation. Moi, je veux la réponse. Attends, faut que je te raconte. J'ai déjà essayé sur une piste de roller de vitesse. Du coup, c'était à Foremeux, il y avait une piste de roller de vitesse. Et on était en stage de roller artistique. Et donc, la prof, elle nous fait « Maintenant, vous essayez de patiner très vite. » Et on avait nos patins d'artistique. Et donc, j'ai essayé sur la piste de vitesse d'aller vite avec les patins d'artistique, mais j'étais complètement instable, quoi. Et j'aurais aimé avoir mes rollers de rando, déjà avec des plus grosses roues, donc ça va plus vite. Puis en plus, comme en artistique, c'est en banane, c'est vraiment complètement instable, quoi. Donc, c'était affreux, quoi. Donc, pour choisir la paire, non, moi, désolée, je peux pas faire celui-là. si, il faut choisir. Mais s'il faut vraiment choisir... Oui. Alors, je pense que je vais hésiter très longtemps. Oui. Mais actuellement, je me dis peut-être que je prendrai les rollers de fitness justement pour avoir l'intermédiaire entre les deux et faire un peu des deux. Mais bon, avec les rollers de fitness, je peux pas faire des pirouettes, je peux pas faire tous mes sauts. Enfin, c'est. Tu peux pas rouler vite non plus. Oui, c'est vrai. Mais je peux au moins me balader, quoi. Ouais. Enfin, ouais. Ok, donc des rollers intermédiaires. Très bien. Mais non, je garde les deux paires. Oui. Enfin, si je devais garder deux paires, ce serait mes rollers de rando et mes rollers d'artistique. Voilà. Ouais. Un de tes meilleurs souvenirs en roller? Alors, un de mes meilleurs souvenirs, justement, c'était deux stages à Foremeux que j'ai fait, où on faisait du roller, de la danse, du patin à glace, on faisait du sport toute la journée. Donc, on avait la moitié de la journée, en gros, où on faisait du roller artistique. Et le reste du temps, on faisait soit de la glace, donc il y avait une heure de patin à glace par jour, où on essayait de reproduire les éléments sur le roller. Et ensuite, on avait de la danse pour travailler l'expression corporelle, notamment, etc. Et c'était vraiment très sympa. J'ai passé de très bons moments. Et puis après, le soir, on se faisait des petites veillées où on faisait des jeux, notamment des time-is-up entre nous. Et c'était très drôle. Voilà. En gros, une... Comment ça s'appelle une... Une colonie vacances. Une colonie de vacances, voilà, pour roller. Oui, c'est ça. Ouais. Comme le... Comme on dit, là, il y a le, l'USPA, je crois, ou le... L'UCPA. L'UCPA qui, voilà, qui fait sauf ça. Sauf que là, c'était avec mon club de Toulouse. Et donc, enfin, on était tous entre nous. Il y avait les petits, les adultes, etc. Enfin, il y avait tout le monde, quoi. Quels sont tes objectifs à court terme et à long terme en roller? C'est surtout des objectifs de compétition, reparticiper par exemple au marathon de Paris, où j'aimerais bien faire un marathon de Paris en moins de 2 heures, valider le truc, quoi, enfin voilà, quoi. Mmh. Et ensuite, refaire les 24 heures du Mans, j'aimerais bien les faire tous les ans. J'aimerais bien essayer aux 24 heures du Mans de faire un tour en moins de 10 minutes, ça serait bien, c'est un petit objectif personnel que j'aimerais bien réussir à faire. Mmh. J'en suis pas loin. Donc, elle fait combien la piste, elle fait combien? Elle fait 4 km 200. D'accord. Mmh. Et donc, comment tu fais pour travailler, pour atteindre tes objectifs? Alors, ceux-là, je cherche pas vraiment à les atteindre. Je roule. Et puis après, si j'arrive à patiner bien, que je suis à l'aise pendant la compétition, tant mieux. Mmh. Après, si j'atteins pas ces objectifs-là, je vais pas être déçu non plus, quoi. En compétition, j'aimerais aussi participer au Grol, qui est une compétition de 24 heures, qui est aussi sympa, avec une toute autre ambiance que le Mans, qui est vraiment très très convivial. En plus, t'as pas à payer les repas en plus de ton inscription, c'est inclus dans l'inscription, t'as tout qui est inclus, donc c'est cool, ça. Un repas gratuit est un bon repas. Alors, tu le payes dans l'inscription, mais l'inscription est pas si chère que ça, quoi. Enfin, vraiment, ça vaut le coup, quoi. Et puis après, quand j'ai commencé l'artistic inline, j'ai participé à des compétitions du coup d'artistic inline. Et là, depuis que je suis sur Nantes, j'ai pas pu faire de compétition. Donc, j'aimerais refaire une compétition avec mon club de Toulouse, faire une compétition du coup en 3e division. J'ai un programme qui est déjà monté. Le problème, c'est qu'il faut que je puisse m'entraîner quand même un peu en gymnase. Et puis, il y a des choses à modifier. Et puis, faudra que je puisse participer à la compétition. Donc là, ça me paraît un peu compliqué pour cette année à cause du coronavirus. J'aimerais bien pouvoir y participer, mais peut-être que ça sera encore dans un an. Et en plus, la dernière fois que j'ai vu mon entraîneuse lors d'un stage en août qu'elle avait organisé sur Toulouse, où j'étais venue, elle m'avait dit « Mince, mais là, vu comme tu patines, en fait, tu vas pouvoir passer en 2e division. Mais la 2e division, il faut faire l'Axel. Et je vais peut-être être obligée de passer en 2e division, même si je passe pas l'Axel, parce que quand tu atteins un certain nombre de points dans une division, tu es obligé de monter à la division au-dessus. Ouais. Donc, va falloir que j'arrive à passer l'Axel un jour, peut-être. Et puis, je vais être obligée de me préparer pour un programme un peu plus long la prochaine fois, parce que les juges vont pas vouloir me laisser passer 2 années de suite en 3e division si la première année, j'ai fait trop de points, quoi. Et donc, du coup, ce qui me fait un peu peur, c'est que du coup, le programme est plus long, dure plus longtemps. Donc, niveau cardio, il va falloir que je suive parce que c'est ce qui pêche un peu aussi en ce moment. Donc, voilà. À quel âge est-ce que tu arrêteras le roller? Jamais. Mamie roller. Alors, oui. Très bien. Est-ce que tu aurais une astuce pour les rollers? Préparation du matériel, nourriture ou autre? Alors, j'aimerais dire pour les débutants qui commencent le roller, qui viennent d'acheter leur première paire, pensez à tourner vos roues, s'il vous plaît. Parce que des fois, t'en vois qui ont leur roue biseautée à l'intérieur à force de pousser sur les côtés. Et puis, faut les tourner un moment parce que sinon, les roues, t'es obligé de les changer. Donc oui, de temps en temps, faut les changer, mais tu peux aussi les tourner pour avoir à les changer moins souvent. Et puis, ça roule mieux comme ça, quoi. Moi, je t'ai entendu souvent dire vous allez là où vous regardez, donc ne regardez pas par terre. Oui, si alors ça, c'est ce qu'on dit surtout. par exemple, en artistique, quand tu travailles l'arabesque, les petits, même les adultes, ils ont tendance à regarder par terre. Et donc là, c'est souvent le moment où tu sors la fameuse phrase si tu regardes par terre, tu vas aller par terre. Donc regarde devant toi. Et je pense que ça doit être valable pour un peu toutes les disciplines. D'accord. Et du coup, pour ceux qui voudraient se mettre à l'artistique inline, notamment oui. peut-être des gens qui viennent de la glace, le conseil que je pourrais leur donner, c'est surtout sur la pirouette, parce que les autres éléments, c'est à peu près similaire. On s'y adapte plus facilement, alors que la pirouette, c'est peut-être un peu plus difficile à trouver. Du coup, l'appui de la pirouette, c'est sur la première roue. Donc, il n'y a que la première roue qui touche le sol. Le tampon n'est pas censé toucher, mais il peut frotter un tout petit peu. Et donc, voilà. Donc, il faut réussir à trouver l'appui sur la première roue. C'est ça le plus dur pour l'artistique inline au niveau de la pirouette. Et puis, après, en rando, un petit truc. J'ai acheté des autocollants qui réfléchissent la lumière, qui sont argentés. J'ai acheté ça dans un magasin pour produits automobiles qui vendent aussi des accessoires pour les vélos. Et donc, ça réfléchit la nuit. Et comme ça, je suis bien éclairée la nuit avec ces autocollants. Donc, j'ai pas que ça, bien sûr. J'ai aussi un gilet jaune, des éclairages avant et arrière. Mais ça permet de voir les platines sur le côté. J'ai collé les autocollants sur les platines. Et comme ça, on voit de nuit. Donc, c'est métallique. Enfin, ça réverbère les feux des voitures. Les platines, c'est bien plat, donc ça colle bien. Ouais. Autre chose avant de clore ce podcast. Ah, je me suis aussi acheté une petite sonnette de vélo que j'ai mise sur mon protège-poignet. Et des fois, quand j'en ai besoin, je fais un petit gling-gling et voilà. Et ça, c'est un truc que je devrais pour la sécurité. Ouais. Ça, je le conseille à tout le monde. C'est un truc faudrait que je m'en achète une moi aussi un jour quand je ferai du roller et que tu ne seras pas là. Je te piquerai la tienne. Mais non, c'est vrai que c'est une très très bonne idée et c'est une très bonne astuce et faudrait que je le fasse un jour aussi. Eh bien, très bien, merci pour cette interview, Céline. Merci à toi. Et puis, peut-être à une prochaine fois, sur un prochain épisode.